3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Dallas, ton univers impitoyable. Oh, qu'est-ce que je raconte, moi? N'importe quoi. Vous n'êtes pas sur Have a Mav Nix, une mauvaise semaine. Non, non, vous êtes sur Have a Nix Week. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des Nix. On va parler des Nix et de la NBA un petit peu. Bah ouais, parce qu'il s'est passé des choses cette semaine, le week-end dernier. Ça a bougé. Wow. Des fois que vous n'auriez pas suivi, il y a eu un petit séisme hein, qui hein, voilà. A retenti. Au cas où, si vous étiez sur la station internationale qui est en orbite, que vous redescendez sur Terre. Si vous aviez une petite coupure d'internet, on va vous dire ce qui s'est passé. Ça s'est passé chez les Bleus, mais pas les Orange and Blue. Seb, ça va en fait? Bah oui, écoute, c'est marrant. C'est marrant ce qui se passe. Dans trois jours, c'est la fin de la période des transferts. Et ben là, tout le monde... Tout le monde s'excite, quoi. Ça claque des fesses par endroits, ça pleure par endroits. Il y a certains qui se mettent en position PLS. Côté Nix, on est plutôt serein pour le moment. Mais vous savez que tout peut se passer. Il s'est passé beaucoup de choses la semaine dernière sur la planète Orange and Blue, sur la planète tout court. On perd pas plus de temps. On lance l'épisode orange. 112. La planète orange, ouais, ce gros ballon orange, hein, il nous fait kiffer. Et la NBA nous fait kiffer, elle est surprenante cette NBA. On s'attend à des choses, on en voit d'autres et on va parler de tout ça ensemble. On perd pas plus de temps, on lance l'épisode 112, le jingle. C'est parti pour une nouvelle semaine à The Knicks Week. Et oui, la grosse... Pas Woj, bon, parce que Woj, il est à la retraite. La Shams Bomb est tombée. On ne s'y attendait pas. C'était après un match un petit peu compliqué face aux Lakers. On va revenir sur le match, bien sûr. Et ça a surpris tout le monde, même les joueurs d'Enix, qui n'y revenaient pas de voir ce qu'ils voyaient, d'apprendre ce qu'ils avaient appris. On a cru à un moment donné que c'était un hack, hein, que voilà... Le compte de Shams Charania, l'insider numéro 1 de la NBA dorénavant, avait été corrompu, avait été hacké par des vilains petits trollers. Et ben non, c'est une réalité. Les Dallas Mavericks ont envoyé Luka Doncic aux Los Angeles Lakers. Voilà. Fin de l'émission. Ciao, au revoir. Bon, bien sûr, ici, on parle des Knicks. Normalement, on déborde pas trop sur l'actualité NBA au sens large. Mais c'est quand même un move qui a surpris beaucoup, beaucoup de monde, qui a fait énormément parlé sur les réseaux sociaux. Tous les observateurs et amateurs fans de la NBA ont un avis sur le sujet. Forcément, nous, on en a un. Et puis les Mavs, rappelez-vous, il y a quelques saisons de ça, un petit peu avant la deadline, il y avait eu aussi un move. C'était à l'époque plutôt Scott Perry et Steve Mills qui avaient conclu un accord, qui avaient proposé, qui avaient envoyé directement Kristaps Porzingis aux Dallas Mavericks. Bon, depuis le Unicorn, on a vu ce que ça a donné du côté de Dallas. Il a voyagé, il a revoyagé après. Ouais, il a fait l'aller-retour, machin. Il a chopé une bague de champion, tant mieux pour lui. Mais les Mavs sont surprenants, sont capables de faire des trades. Et là, on surpris tout le monde. C'est peut-être le plus gros trade qu'on a eu en NBA depuis je sais pas quand, on va dire. Parce que là, on parle d'un trade, on parle pas d'une signature de free agency. Il y avait eu James Harden qui est parti de Houston à Brooklyn. Mais est-ce que c'était aussi retentissant? Peut-être pas. Parce qu'on avait un petit peu des idées qu'il y avait de l'eau dans le gaz du côté de Houston à l'époque. Là, côté Dallas, qui aurait pu croire? Qui aurait pu dire que Luka allait partir en courant de saison en plus contre Anthony Davis, certes, mais pas que. Max Christie, qui a fait un bon petit match au Madison Square Garden hein, pour son dernier match sous les couleurs Purple and Gold. Et puis, voilà, un petit tour de draft, histoire de compléter tout ça. Voilà, une décision très surprenante. Beaucoup n'y ont pas cru. Il a fallu s'y remettre à deux fois pour lire la news. Et ben oui, Luka Doncic sera un Los Angeles Lakers dorénavant. Toi, t'as été surpris, j'imagine. Ben oui, parce qu'en plus, j'avais regardé le match en direct... la nuit là, contre les Lakers et puis c'est au matin en fait que je vois donc les copains commencer un peu à s'énerver sur le truc et quand je regarde punaise ah ouais Luka tradé par les Mavericks à Los Angeles. Là, la première chose que tu te dis, c'est pas tant qu'est-ce qu'on fait les Mavs, c'est Los Angeles est incroyable. Moi, c'est la première chose que je me suis dit, c'est cette franchise est éternelle. Les Lakers sont éternels. En fait, il n'y a que eux qui arrivent à bricoler des trucs et que ça se passe comme ça et d'arriver. Après voilà, c'est la franchise une des plus médiatiques, une des plus connues, une des plus titrées, une des plus grosses, hein, même en termes de fanbase de la NBA, une aura particulière, les Lakers. Je peux comprendre, mais là, comme tu dis, c'est pas une signature, c'est un trade. Et après, on le rapporte sur un plateau doré, quoi. Et après, tiens, quand tu voulais, Lucas, c'est ça. Et après, ouais, quand tu apprends qu'en fait, ce sont les Mavs qui ont démarché. Qui ont démarché Milwaukee pour Giannis, qui ont démarché les Lakers pour Anthony Davis en échange de Luka Doncic. Là, tu te dis, il y a un truc qu'on ne sait pas. Après, c'est la seconde chose que je me suis dit, outre le fait de ce qu'ils disent dans les médias, oui, visiblement, hein, pas affûté. Beaucoup de spéculation. Hein. Voilà, conditions physiques, machin, tout ça. Bon, ok, bon. Pour moi, ce sont des fausses excuses. Je pense qu'il y a autre chose, c'est obligé. Une cassure au niveau du management et du joueur star, mais il faut rappeler quand même que c'est l'équipe qui était finaliste sur les dernières finales, quoi. C'est pas un joueur qui performe pas, quoi. C'est ça, c'est quand même un mec qui a porté les Mavericks pendant longtemps, qui a fait la transition avec Dirk Nowitzki. Il a été là sur sa dernière année, il y a eu une passation de flambeau, quoi, entre l'ancienne star, la nouvelle star. Dallas, c'est pas un petit marché non plus, hein. C'est la plus grosse mégalopole américaine. Très attendu. Exposition, voilà quoi. Très attendu. Puis t'as Mark Cuban qui avait fait cette sortie. Je préfère encore. Il avait dit entre ma femme et Luka Doncic, rendez-vous chez mon avocat pour le divorce. C'était ce qu'il avait dit. Bon, après, vu qu'il a vendu les parts et qu'il est maintenant plus que conseiller, on va dire, un truc comme ça. Bon, bah, actionnaire, propriétaire minoritaire, il a même pas 30%. Voilà. Donc je pense qu'il a pas eu son mot à dire. Et que s'il avait eu son mot à dire, il aurait mis un veto. Mais en tout cas, donc Nico Harrison, qui est le GM, a proposé ça. C'est pas lui qui a décidé, hein, forcément. À la fin, il y a l'aval des propriétaires. Forcément, tu traites pas les joueurs. Ouais, mais il n'était pas contre. Il n'était pas contre cette idée de transférer leur franchise player, quoi. C'est ça. Les propriétaires ont dit let's go, et en contrepartie, hier, c'était ce qu'il s'est dit dans le SNL là, sur Bein Sports, c'est que en contrepartie, quand Pelinka a dit à Jenny Buss, bon, on a l'occasion de faire Luka, et l'autre, elle a fait allez. Contre qui? Contre LeBron? Ah, c'est chaud. Non, contre Davis, McChristie, un petit tour de draft. C'est ça. Ah bah vas-y, fonce alors, quoi, parce que Eddie, il est encore sur la touche, il est encore blessé, bon voilà, c'est ce qui arrive, mais il fait une belle saison. LeBron, il faut penser qu'il va lui rester un an, je pense qu'il va rester encore jusqu'à ses 41 ans, et puis à un moment donné, il faut bien quand même que les pépères, même si ça se voit pas, et notamment contre nous, ça se voit pas qu'il a 40 piges, à un moment donné, il va commencer à vieillir, il va bien partir à la retraite, donc il y a une préparation de l'après-LeBron. Et puis, quoi de mieux que de prendre un des meilleurs joueurs de la planète pour faire l'après LeBron? Non, ce trade est incroyable dans tous les aspects du truc. Personne ne comprend, voilà, en regard extérieur. Nous, les Mavs, on s'en fiche, c'est pas notre franchise. Mais effectivement, trader un joueur qui incarne le visage présent et l'avenir de la franchise, qui était une passation de pouvoir parfaite vis-à-vis de Dirk Nowitzki. 25 ans, quoi. 25, 26 ans. Alors peut-être que son hygiène de vie, peut-être que son physique interroge, peut-être que son sens du leadership, peut-être que sa défense interroge. Mais tu as le quoi entouré. Peut-être qu'aussi, et surtout, ce qui est revenu, c'est ouais, les Mavs sont pas prêts à mettre le méga max sur ce joueur. Ah bon, d'accord, vous allez le mettre sur qui alors? Enfin, peut-être pas un méga max, mais des contrats max, vous allez les mettre sur AD? Vous allez les mettre sur Kyrie Irving? Vous allez les mettre sur Klay Thompson? Non, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Les Mavs ont fait un énorme pari qui est de se dire qu'ils seraient plus forts sans Lucas. Bon, bah peut-être que l'équipe est mieux équilibrée, apporte de la défense. Ils vont vanter le « oui, la défense a fait gagner des titres ». Ouais, en courant de saison, le timing est vraiment très très particulier. Bon courage à eux. Le pari, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient champions avant que les Lakers redeviennent champions. Après, quand tu regardes froidement comme ça, après pas gagné, quoi. Les rosters, quand tu les regardes froidement, sans rien prendre en compte, et que tu te dis, tiens, regarde, tu peux te faire une association. Alors, je sais qu'il ne sera pas 5, parce que même ils l'ont dit en conférence de presse, que il n'avait jamais été aussi bon, notamment en finale NBA, Anthony Ouais, Davis en 4, poste 4 donc quoi. à côté de Gafford. N'empêche que tu peux te faire un axe Kyrie Irving, Anthony Davis, Ouais, ça peut être intéressant. Après, il faut qu'ils arrivent à jouer ensemble aussi, parce que là, Oh. la saison, elle est plus Oui, à plus de la non, moitié. mais je te dis froidement. Ça peut prendre du temps des fois. Je te dis froidement, je te dis pas, tiens, ben non, mais regarde, le mec, il est blessé, non, mais machin, je te dis juste froidement, si tu regardes les rosters, que tu regardes Ouais, ça les fait 5. Le un bel 5, effectif. ouais, le 5 de Dallas me paraît bien équilibré, tu vois, avec, ben, tu as Kyrie, tu as Grimes, tu as, c'est qui, c'est Naji derrière en 3, Ouais, t'as un Klay Thompson aussi qui est Clay là. Thompson. Tu as ensuite Anthony Davis, Gafford, voire le petit Lavic quand il reviendra. Et c'est pas mal quand même, c'est, tu vois. Non, c'est pas mal. Est-ce que ça en fait des contenders dès cette année? Est-ce que là où ils étaient finalistes, ils peuvent dès cette année retourner en finale, voire gagner le titre? Ça paraît compliqué, surtout compte tenu du timing. Autant ce trade se fait sur l'été, t'as le temps d'entraîner les joueurs, de Non, faire mais des là, on est training camp d'accord et que compagnie. tu fais pas Et ça. puis, il y a un scénario aussi où Anthony Davis se reblesse. Voilà quoi. Et ce scénario, il s'est déjà vu dans la carrière d'Anthony Davis. Les saisons à pleine, il n'y en a pas beaucoup sur la carrière d'Anthony Davis, qui va avoir 32 ans. Voilà. Donc les Mavs ont hypothéqué leur avenir pour du win now. Bon courage à eux. Franchement, moi, je parierais pas. Je ferai un pronostic sur qui est l'équipe qui sort de la conférence Ouest. Je parierais pas sur les Mavs. C'est peut-être aussi un aveu un petit peu de faiblesse de la part des Mavs en disant, bon, l'année dernière, on était finaliste, mais bon, on a eu un peu un parcours chanceux. Oui, Lucas est fort, mais on ne croit pas en ses qualités de leader. Oui, sa défense qui s'est fait très bien exploser face à Boston en finale. Donc, bon, voilà, ça peut s'entendre sur certains arguments, mais c'est quand même très compliqué. Il Il n'y va a pas, falloir y a pas que ça, il n'y a pas que. gagner plusieurs titres pour que ça soit un pari gagnant de la part des Mavs. Moi, je pense que c'est voué plutôt être un échec, même si les Mavs seront compétitifs, à voir sur le temps. Kyrie Irving, il est bientôt en fin de contrat aussi. Est-ce qu'il faut vouloir Bah, poursuivre l'aventure? en tout cas, une chose est sûre, c'est que Ça a secoué. Ça a secoué. désormais, Jerry Krause, l'ancien GM des Chicago Bulls, le fondateur et La dynastie des Bulls, ouais. le quoi le Le dynamiteur ouais, démanteleur de. de la dynastie des Bulls qui a été un peu décrié ou en tout cas pour certains haï par la fanbase des Bulls. Je pense qu'on a trouvé un GM qui est encore plus détesté désormais par sa fanbase en la personne de Nico Harrison. Je sais pas si tu as vu hier les images. Il y a eu une sorte presque Conférence de presse avec Jason Kidd. ouais, de manif, ouais, puis même de manif devant la salle où tu as eu des gens qui sont arrivés avec des pancartes, d'autres qui sont arrivés avec un cercueil, qui ont déposé le cercueil et tout. Bon, il y a toujours de la surréaction et voilà, il faudra laisser le temps du deuil parce que c'est un peu ça, effectivement, c'est le deuil. C'est une égérie, c'était l'icône de la franchise voilà, depuis Dirk, hein, tout simplement. C'était celui qui était voué à avoir sa statue à côté de Dirk, c'était celui qui était voué à avoir son numéro retiré au plafond de, je sais plus comment Tu s'appelle étais la salle. censé ramener l'équilibre dans la force. Ah là, bref, bah du coup, maintenant c'est qui est le franchise player de cette équipe aujourd'hui? Kyrie, AD. Bon, à voir en tout cas, c'est surprenant. En tout cas, ça nous apprend des choses. C'est que tout est possible en NBA. C'est que les trades qui arrivent, c'est souvent les trades qu'on voit pas venir. Ce n'est pas ceux qui sont discutés. Quoique Fox aux Non, Spurs, non on va en parler vite fait. mais non Et mais non, parce que que celui-là, il était celui-là. pas grand monde est intouchable en Ah tout mais cas. non mais par contre celui-là il est sorti de nulle part, tout a été fait en douce, visiblement personne n'était au courant. Ouais, je pense que LeBron, il avait quand même parlé avec Rob Eh ben Pelinka. écoute, Il nous dit, bon, j'étais au resto quand je l'ai appris. Oui, écoute je savais pas que le le. trade allait tomber Non là, mais mais. écoute, en tout cas hier, à ce que disait le journaliste insider ils lui ont posé la question, ils lui ont dit c'est quand même assez bizarre que LeBron dise qu'il n'était pas au courant. Et l'insider Lakers dit, non mais LeBron n'était pas au courant. Donc Ouais, là-dessus, j'ai un doute. J'ai un doute. Il soit pas au courant que ça va se concrétiser maintenant. pourquoi pas. Après, il était proche d'Anthony Davis aussi. Il a fait le nécessaire pour qu'Anthony Davis vienne aux Lakers. Ils ont gagné un titre ensemble, tout ça. Donc, il y avait peut-être un côté, je voulais pas te dire, Eddie, que tu allais sauter. Mais bon, après, chacun, il y aura des révélations. Il y aura des choses qui viendront avec le temps. Il y a même LeBron qui a dit, non, mais moi, je partirai pas des Lakers. Ouais, après, il a plus ou moins une no trade clause. Et je pense que les joueurs qui sont vraiment sûrs de leur avenir, c'est ceux qui ont des no trade clause. Il n'y en a pas beaucoup. Lucas n'en avait pas. Donc à voir, tout ça aura peut-être, et Josh Hart, ouais. Mais à voir peut-être dans l'avenir, si ça change des choses vis-à-vis des méga max que certaines franchises peuvent accorder à des joueurs. Il y a ces histoires d'éperon maintenant, il y a ces histoires de trucs, tu vois. Et peut-être que ouais, les franchises elles se disent, attends, c'est quand même un investissement très lourd sur dans nos joueurs. Qui va peser notamment sur notre politique sportive de construction de roster pour nous amener en terre promise. Est-ce qu'on est sûr que c'est cette personne-là qui mérite de prendre 70 millions, je ne sais pas, je vais dire ça comme ça, ou 60 millions pendant 5 ans alors là, on parle de Luka Doncic, donc on va nous dire, attends, si c'est pas Luka, tu les files. Oui, je suis d'accord. Mais on parle aussi d'un mec qui arrive chaque été hors de forme. Alors oui, d'ailleurs, il fait gagner, oui, il a des records. Mais après, d'ailleurs, tu vois, si on s'éloigne un peu et qu'on laisse le côté un peu affectif, le côté un peu romantique de la chose, et qu'on se dit, on te file énormément d'argent, on va miser énormément sur toi. En contrepartie, on aimerait quand même, de ta part, Professionnalisme voilà. Irréprochable. Voilà, c'est pas en fait. On t'emploie, on te paye. T'es un ambassadeur, quoi. T'es un ambassadeur de la franchise, la marque. Voilà, on aimerait en contrepartie que, ben, que tu arrives. Alors, peut-être pas fit, parce que. Mais. Pomme, que tu arrives pas à mode. Voilà, moi, tu vois. voilà. Tu vois, moi, je suis pas payé. Surtout quand t'as 25 ans, quoi. 25, voilà. 26 ans, quoi. Donc, qu'est-ce que ça va donner, tu vois, quand il en aura 30 ou 32, je sais pas. Alors, mais ce que je dis, c'est que quelque part, ce trade est bizarre. Et j'aurais été le chef. J'aurais pas tradé Luka Doncic dès ma vie. De toute façon. Mais on le voit, NBA 2K ne le valide pas. C'est un truc qui, même dans un monde virtuel, ne se fait pas. Donc voilà, il n'y a que les mafs qui ont inventé des choses comme ça. Ce trade a secoué la planète basket. C'était un trade what the fuck. Il y a aussi des gens, donc vis-à-vis du Megamax, ça aura peut-être un précédent. Peut-être que d'autres GM se poseront la question avant de dire, regarde, les Mavs, ils n'ont pas fini le Megamax à Lucas. Donc pourquoi est-ce qu'on le mettrait à toi, qui est un joueur, entre guillemets, dans la hiérarchie NBA plus faible? Il y a aussi le fait qu'il y ait eu peu de picks de draft. Alors ça, tout de suite, ouais, mais regardez, les Knicks, pour Mikal, ils en ont mis 5. On n'est pas du tout dans le même contexte. Les Mavs, ce n'est pas une équipe qui fait de la reconstruction. Peut-être qu'ils le feront, mais pas tout de suite. Et puis là, on parle de Luka Doncic contre Anthony Davis. Le trade. Accessoirement, c'est pas non plus Bojan Bogdanovic. Voilà, on n'a pas envoyé Shaq Milton. Nous, on a envoyé Shaq Milton, Bojan Bogdanovic. Et des pics. Je sais plus qui a été coupé dans la foulée. Et, et ben voilà, forcément, on parle de Mikal Bridges qui avait été dans une defensive team, qui avait été dans la course au deep boy, qui est quand même un mec. Donc c'est pas pareil, tu vois. Évidemment qu'il y a une compensation en pic par rapport à la valeur du joueur que tu envoies. Et puis il y a la capacité des pics des deux équipes. Les Mavs en avaient peu, mais les Lakers aussi. Imaginons que si tu avais dû envoyer. En termes d'assets, je vais dire une connerie, mais imaginons que si tu avais dû envoyer par exemple Julius Randle à ce moment-là, il était encore en contrat chez nous, contre Mikal Bridges, évidemment que tu n'aurais pas mis 5 pics accrochés à lui. Tout est une histoire en fait de balance en fait. À un moment donné, t'envoies des joueurs pas moins forts, tu contrebalances avec du pic et puis voilà, ça c'est. Sauf du coup, Sacramento, où là, par contre, Sacramento, c'est autre chose. Il y a les bons négociateurs, les mauvais négociateurs. Non, dans cette histoire, on a l'impression qu'il y a même des mauvais négociateurs côté Mavs et côté Kings. Ah ouais, pour ça. Si on doit fermer la parenthèse trade de Luka pour ouvrir vite fait celle du trade de Fox. Un trade comme ça, pour moi, tu le fais pas en mi-saison. Et puis avec une contrepartie pareille. Tu vois, moi je me suis dit aussi la première pourquoi est-ce que on les connaît, les GM, les mecs, ils ont des Parlons entrées dans les médias et tu vois, tu peux susurrer des trucs comme ça, ah, tu sais, Lucas, chez nous, peut-être. Et là, les mecs, ah bon, tu sais, il faut. Montée, la montée des enchères, Ouais, ils quoi. commencent à faire courir Ouais. des rumeurs. Les clubs disent non, nous, Lucas, il est intransférable. Tu vois, et puis en même temps, bien, à côté, ah bon, ah, dis donc, j'ai lu ça là, c'est vrai? Je sais pas, qu'est-ce que tu as à me dire? Tu vois, et puis. Non, Voilà. mais. Et. Poker menteur, quoi. Poker menteur, effectivement. C'est toi, là, ça te donne l'aspect, en fait, qu'on s'est débarrassé de Lucas Doncic. Moi, c'est ça que j'ai comme retour. Et c'est peut-être inquiétant vis-à-vis du joueur, vis-à-vis de son hygiène, vis-à-vis de son leadership, vis-à-vis de plein de choses. On en sent certains joueurs parfois à voir. Maintenant, on lui Il a souhaite été déjà de la réussite, il pas a trop, parce déjà qu'on aimerait bien que les Knicks gagnent aussi, il mais. a déjà été traîné 2 fois quand même, Lucas Doncic, si tu veux pas l'oublier. Il n'a pas été drafté, effectivement, les Kings qui ont fait la passe, ils ont préféré un autre joueur, mais surtout par les Atlanta Hawks. Décidément, il y a toujours de l'actu Kings avec de l'actu Doncic. C'est bizarre, c'est bizarre. Comme quoi, Bon, allez. normalement, leur destin était lié, tu vois. En fait, c'est. Y a un truc, y a un truc. Mais comme quoi, Trae Young est encore dans son équipe alors que bah, Dallas. Ouais. Bon, allez, on a beaucoup, beaucoup trop Attends, et parlé des autres équipes. vite fait, on peut parler quand même du trade de Fox. Des Spurs? Non, j'ai pas envie, non. Bon, moi, j'aime bien les Spurs. On a fait une semaine en France où on a parlé que des Spurs T'étais pas là. et même pas des Indiana Pacers, les pauvres. T'étais pas là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Donc, cette nuit, on a donc Ça Fox. nous concerne un petit peu plus parce qu'il y a une équipe de la conférence Est qui est impliquée. On a donc Fox qui est parti donc du côté San de Antonio. San Antonio accompagné de Jordan McCoglin. Les C'est ça. Kings, eux, récupèrent. Alors, ils reforment la paire terrible. DeMar Qui DeRozan, a performé, hein. Ouais, Zach qui a performé. Lavine. Donc, ils récupèrent Zach Lavine de Chicago qui a performé entre la 10e et la 9e place de l'Est. Ils récupèrent Sidy Cissoko et 3 first pick. Donc, celui de Charlotte 2025, mais qui est protégé 1-14 Dommage. et qui deviendra donc par la suite 2 second round. Dommage. Il récupère le premier pick 2027 des Spurs. Il y a forte chance quand même qu'en 2027, les Spurs Ça soit un peu plus performant. Hein. jouent le haut du pavé, donc le haut du panier. Et le pick 2031 de Minnesota. Donc là, tu te Je projettes. sais pas où on en sera. Hein. Ouais, on est Et fixe. à côté de, et il récupère également 3 second tours. Voilà. Donc il récupère celui de Chicago, il récupère celui de Denver et il récupère celui le leur que les San Antonio Spurs avaient. Donc ils leur rendent. Donc la contrepartie, elle est pas dingo, hein. Et les Bulls. Pour un joueur qui avait dit clairement, ouais, moi je veux partir à San Antonio, quoi. Donc voilà, il avait clairement Tu pouvais jouer abattu sur. son jeu sur la table. Moi, je veux aller là-bas. Bon bah, il y Ah, a c'était peut-être ça. mieux à récupérer côté Spurs, Tu quoi. pouvais jouer, je sais pas, essayer de gratter des trucs. Bon, monter. Ah, quand t'es mauvais négociateur, t'es mauvais Bon, voilà, négociateur. Hein. C'est peut-être pas la première fois que. que les Kings, non, ça fait 20 ans que les Kings, c'est. Bon. Et les Bulls? Alors, les Bulls, eux, pour Zach LaVine, ils récupèrent Zach Collins. Ils récupèrent Trey Jones. Alors, Trey Jones qui vient garnir la tripotée de meneurs qu'ils ont déjà dans leur équipe avec Kobe. Comment il s'appelle? Kobe White. Kobe White, avec Ouais. Lonzo, avec. Enfin, ils ont Josh Giddey Josh qui joue Giddey. plutôt Donc, poste meneur. et Kevin Werther. Et ils récupèrent leur propre pick que San Antonio avait. Donc, dans le truc, San Antonio leur dit, tiens, on vous rend votre pick, on est sympa. Donc, ils sont contents, comme ça, ils pourront. Là, maintenant, si tu veux, ils peuvent dire, ok, on tank, on explose tout, parce que le pick 2025 est à nous. Donc, Yeah. là, voilà. Mais au final, la contrepartie, tu te rappelles, il y avait eu la trade deadline en 2023 qui avait été avancée. Elle était. Oui, bah comme avant le All-Star Break, Ouais. et ça sera le cas cette année Et encore. les Knicks, donc Leon Rose, étaient chauds sur la Vine. Et Ouais. ça s'était pas fait. Ça s'était pas fait Malheureusement. parce que, Pardon. visiblement, ils demandaient, je crois que les Knicks, Leon Rose envoyait 2 first pick. Et les Bulls avaient dit, non, on en veut 3. Enfin, j'avais eu des Ouais. histoires. Et au final, Ils ont fait un peu les enchères, quoi. et même l'administration Leon Rose avait dit, bon, c'est un peu trop cher. Ils s'étaient redonné rendez-vous à l'été. Ils s'étaient donné rendez-vous à l'été en disant, bon, nous, on ne fait pas. Parce que pour l'instant, en tout cas, on ne fait pas. Et ils étaient re-renseignés à l'été 2024. Ils s'étaient re-renseignés sur lui, tout ça, mais le prix était trop démentiel et finalement, Ouais. ils n'étaient pas allés sur la Vine. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un contrat qui est assez conséquent pour Voilà. Zach LaVine, hein, donc Un an plus tard, Zach LaVine est dumpé. Parce que là, il est dumpé, en fait, le mec. Là, le mec, en fait, Ah, il il est... était temps que les Bulls tournent la page parce que c'est une équipe qui ne performait plus. Il y a le départ de DeMar DeRozan à Sacramento. Maintenant, Zach LaVine retrouve DeMar DeRozan. Donc, on peut se poser des questions sur le plan réel des Kings. Est-ce que c'est du win now? Et en même temps, win now, ils sont un peu dans le ventre mou de la conférence Ouest. Ils ont changé de coach cette saison. C'est pareil, c'est encore un move un petit peu surprenant. On retrouve avec une configuration à la Bulls en fait, c'est-à-dire avec un intérieur fort, Tu remplaces Vucevic par Sabonis, quoi, en voilà, gros, quoi. et donc tu recrées ce paire Levine DeRozan. Donc en fait, tu te retrouves avec des Sacramento Bulls à l'ouest qui Les Chicago Kings. voilà, qui vont jouer la 9e, 10e place. Alors Petit peu bon, sans play-in, là quoi. enfin les Bulls. Ils se sont dit, attends, Ouais, c'est fini là. si à Dallas, ils se sont dit, attends, si à Dallas, on va en finale et ils croient plus au projet Doncic, alors que nous, ça fait depuis maintenant 5 ans qu'on dit, non, non, mais attendez, les mecs, le projet DeRozan, Levin, Lonzo Ball, Vucevic, on sait jamais. Là, ils se sont dit, non, mais là, on passe pour des cons, faut qu'on fasse un truc. Donc, je pense que Faut qu'on dump, faut qu'on dump. ça les a Mais motivés. il y aura peut-être d'autres moves côté Mais en Chicago. tout Ça cas, pourrait libérer des joueurs En et. tout cas, bien joué pour les Spurs parce que ben, ils touchent pas à leur jeune garde. Si, si, bien joué pour les Spurs. Oui, on récupère. Ils font un bon deal, ils font un bon deal. Ben, ils font un super deal. Ils perdent ni Vassell, ni Castle, ni Sohan. Ils gardent Keldon Johnson en sortie de banc, En plus, qui est un super joueur. Alors ouais, ils perdent Trey Jones, mais bon, c'est pas grave. Tu vas avoir. Ils ont Chris Paul en backup de Fox. Chris Voilà, Paul qui Chris sort du Paul banc. qui fera peut-être pas non plus des années encore beaucoup, À la mais qui limite, pourra. peut-être qu'ils sont un peu plus dépoilés, mais même s'ils jouaient plus trop Zach Collins, je crois que c'était, je crois qu'ils ont pas, c'est pas Charles Bassey qu'ils ont sorti du banc. Enfin bref, sinon, bah, ils perdent personne Ils ont d'important. la paire qu'ils voulaient avoir, à savoir Wemby et Ouais, De'Aaron Fox. et ils perdent Donc personne à voir d'important dans jusqu'où la ça va. rotation. Ils perdent personne d'important dans la rotation. Ils lâchent finalement peu de choses à eux, puisque ben, c'était des assets qu'ils avaient récupérés ici et là, et qu'ils ont refourgués ben, ici et là. Finalement, à eux, ils donnent un premier tour de 2027. Voilà, donc on a eu une opération dump du côté de Chicago Il y en aura peut-être d'autres. qui Il y aura peut-être récupère. des joueurs qui vont sauter. Ça Ah, ben parle de Torrey là. Craig et je sais plus un autre joueur que j'ai vu passer. Il y aura peut-être des joueurs Mais à récupérer. Vucevic, là, visiblement, je pense que pour les Lakers, Oui. ça peut y chercher de l'intérieur. Voilà. Après, ils cherchaient de la défense. Je suis pas sûr qu'avec Vucevic, ils auront de la défense. Mais s'ils cherchent un pivot, peut-être qu'il y a des joueurs qui vont se remettre sur le marché. Moi, je parlais plutôt des joueurs qui pourraient intéresser les Knicks. On va en parler en seconde partie de l'émission, mais en tout cas, effectivement, côté Chicago, là, l'ambition, elle est claire, c'est un gros nettoyage de printemps qui s'annonce. Lonzo Ball, qu'est-ce qu'il va nous faire dans cette histoire? On verra, il y a un peu un empilement de joueurs sur les lignes arrière. Est-ce que les Knicks ont besoin de joueurs sur les lignes arrière? Pas certain, mais peut-être que des ailiers pourraient se Ah, retrouver une rotation sur le marché. 3-4, 3-4, je cracherai pas Il y a dessus, peut-être moyen moi. de voir des choses. Bon, vous Mais l'avez non, mais dit, là, ça va. on a beaucoup parlé et on va continuer d'en Et il parler faut pas cette oublier semaine. que jeudi, c'est la fin. C'est ça. Donc, il va y avoir des rumeurs de partout, là, ça va être bonnard, Ça va être intéressant. Bon, on a parlé de beaucoup de All-Stars et la semaine dernière, eh ben oui, ça y est, c'était l'annonce du reste des effectifs qui vont composer le All-Star Game de San Francisco. Les Knicks étaient déjà bien dotés avec deux joueurs starters. C'est la seule franchise qui avait deux joueurs starters. Alors bon, on peut se dire All-Star starter, oui, mais comme il y a trois équipes. Au final, les starters, il y en aura 15, quoi. Donc, t'es starter parce que t'es élu par les médias, par les fans et aussi par les joueurs. Mais il y aura des joueurs du banc, enfin élus par les coachs, qui vont se retrouver de starters d'office. Ça va être un peu curieux cette histoire. On a vu encore les différentes fanbases se crier au scandale. Pourquoi est-ce que mon joueur chouchou n'est pas dedans? Eh ben oui, on n'aura pas de Tyrese Haliburton pour l'instant sélectionné pour ce rendez-vous des stars. On n'aura pas de Trae Young pour ce rendez-vous des stars. Côté Kings, y a qui? Enfin, Fox, il y était? Non, il n'y était pas Non, non plus, je ne non. sais plus. Voilà, donc on a la liste complète des 24 joueurs, 12 dans la conférence Est, 12 dans la conférence Ouest. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé de l'annonce des réservistes? Est-ce qu'il y a des surprises? Wembanyama et bien entendu Cocorico, représentant des Spurs, et à juste titre, il a une hype et il a une performance individuelle qui est plutôt bonne, même si son équipe marque un petit peu le pas en ce moment dans la conférence Ouest. Mais est-ce qu'il y a des noms qui t'ont surpris, choqué, étonné, des premières sélections ou plutôt des joueurs snobés? Qu'est-ce qui pourrait te faire parler sur cette sélection? Qui aurais-tu vu? Qui au contraire n'aurais pas tu vu à ce rendez-vous de mi-février? Non, c'est vrai que le premier nom qui vient en tête pour beaucoup, c'est Tyler Herro. Certains ont dit oui, Tyler Herro, pourquoi il n'y est pas alors que Trae Young, meilleur passeur, il y est. C'est plutôt là, ouais, l'inverse. Bon. Moi, ça m'a pas choqué que Tyler Herro y était parce que dans ma prédiction, enfin, dans mon petit truc, Ah, un peu surpris, pas. moi. Ouais, j'aurais pas vu parce que Miami fait une saison un petit peu compliquée. On Elle n'a n'est même pas pas mieux, parlé du cas Jimmy Butler, elle n'est pas mieux, mais. c'est l'attentat. Hein. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et Ils avaient eu un bon. Un meilleur début. Un meilleur Miami est début. en positif, hein, si je ne Ouais. m'abuse. Miami est en positif et Tyler Herro y est pour quelque chose. Donc, moi, ça m'a pas plus surpris que ça. Après, sinon, bah, les remplaçants, Jaylen Brown, oui. Pascal Siakam, ok. Darius Garland, évidemment, avec Evan Mobley. Kate Cunningham aussi. Damian Lillard. Ouais, mais pourtant ils ont gagné la cup. Ils ont gagné la cup et ils sont Ouais. aussi dans le positif. Ils se sont un petit peu repris. Il n'y a pas de joueur des Je pense Sixers, que mais Damian bon, en même temps, c'était Lillard, compliqué. je pense que Damian Lillard, il sort sur son nom, sur son aura. Aussi, ouais, un Comme peu. l'époque où Melo était de fils All-Star, parce que bah, c'était Melo. Je sais que là, je vais me faire insulter, mais c'est ce que je Non, non, pense. non, il y a des Sur sélections les dernières qui se sont années, fait. Ouais. je pense que c'est aussi son nom. Donc, je pense que Damian Lillard, il y est parce que, même si tu vois, sa ligne statistique est belle, hein, 25-7-4, 7 passes, 4 rebonds. Mais en effet, là, est-ce que là, c'était pas plutôt un triomphe? Bon. Sinon, enfin, après, ça me choque pas. Enfin, la sélection de l'Est, je la trouve cohérente. Donc, Et à l'ouest, alors il y a un Booker que Dieu, je suis pas All-Star, bah ouais, mais bon, tu peux pas l'équipe elle envoyer. performe pas, Non, voilà. non, tu T'as peux. envoyé un représentant, en la Tu personne peux de KD. pas envoyer deux mecs de Phoenix. C'est pas possible, quoi. Alors je sais plus quel joueur a fait une sortie. Et limite, elle s'entend, qui disait, bah, pourquoi on n'envoie pas 15 All-Stars, quoi? Pourquoi est-ce qu'on n'étend pas un petit peu? Surtout là si ça prend cette forme dans le temps Et tu limites un de All-Star tournoi. par team. Allez, vas-y, ouais, un All-Star par team. Comme ça, c'est la guerre dans les teams et tout, ça fout que le bordel. Ah ouais. Mais au moins, il n'y aura pas de ouais, j'ai pas mon joueur de mon équipe. Voilà, t'en prends un. Après, tu me diras, les Wizards, t'envoies qui? Et Les là, Kings, t'envoies ça qui? voudrait dire que là, Onyx, au vote, ça aurait été Karl Anthony Towns. Eh bah oui, ouais, t'aurais. Et Donc, un All-Star. sinon, ouais, du côté de l'Ouest, Anthony Edwards, normal. Anthony Davis, donc pour les Mavs, normal. Pour les Mavs. Il fait une très belle saison aux Mavs, donc. Ah, à Dallas, franchement, ouais. Voilà, 25-3-11, magnifique. James Harden, bah, James Harden, ouais, bien sûr, c'est le leader des Clippers et ils font une très belle saison. Et lui fait une très belle saison, C'est t'imagines? lui qui tient la baraque Ouais, côté Clippers et en l'absence de Kawhi, même s'il est de 21 retour. points, 8 passes, quasiment 6 rebonds, écoute. Qu'on aime ou n'aime pas le joueur, bah il est là, il performe, il fait son jeu. Jaren Jackson Jr., bah, il fallait bien un représentant du côté des Memphis qui fait une excellente saison aussi, hein, qui est au même bilan que nous, donc ça me choque pas. Alperen Şengün, pareil, il fallait un mec des Rockets. Alors certains ont commencé à dire, ouais, pourquoi pas Green? Je trouve Şengün plus complet, peut-être plus régulier dans ses performances, donc voilà, ça m'a pas choqué. Jalen Williams. Après, en termes de spectacle, parce qu'on a évoqué la dimension spectacle quand on nous a parlé de Oui. LaMelo Ball, LaMelo Ball qui est parvenu, je pense qu'un Green est plus spectaculaire à voir Ouais, jouer, mais plus aérien, c'est. plus dans l'esprit All-Star qu'un Şengün, Ouais, mais c'est qui, quoi? comme un Jokic ou autre, vont être voilà, sur du basket plus académique et peut-être moins approprié à l'événement spectacle. C'est les Harlem Globetrotters qui Ouais, jouent? bah. Ou c'est Sur la All-Star? dimension spectacle, moi, il y a des joueurs que je préfère voir que, voilà, qui vont être plus dans le highlight que d'autres joueurs. Moi, Mais c'est pas ça pareil, qui m'intéresse. Jalen Brunson, c'est pas dans le highlight. Mais moi, C'est c'est pas dans pas. le highlight. Moi, sur un All-Star, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas de voir des alley-oops du milieu de terrain. Moi, c'est pas ça. C'est de voir. Non, mais en même temps, on verra pas de match. Mais Enfin, quoique, c'est de un bon voir. tournoi à voir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les stars jouer un match de basket Alors, je te demande pas de mettre de l'intensité de playoff, mais de jouer sérieux pour savoir qui est le plus fort. Et ça, on verra si cette année, ça en prend la forme. Et pas de se dire, tiens, vas-y, pendant le match, je prends 15 tirs du logo, Ouais. je fais 12 000 alley-oop, et enfin, tu vois. Donc, voilà. Et, On verra ce qu'on aura comme au programme après cette donc, saison. pour finir, Jalen Williams, ben, le bras droit de Shai, normal qu'ils en aient deux. Et Victor Wembanyama, logique aussi. Donc, non, enfin, ça m'a pas. Oui, voilà. Va pas crier au Ouais, scandale. ben, Sengun, oui, ok, Sengun, mais Sengun, ok, c'est le meilleur rebondeur de la ligue. Pas Sengun, pardon, Sabonis, excuse-moi, Sabonis. Mais dans ces cas-là, ça voudrait dire que tu n'envoyais personne de Houston? Ou des Grizzlies? Alors que eux ont un Y a pas bilan. Jamorent, y a pas Jamorent, hein. Donc Il aurions des joueurs spectaculaires aussi, même si voilà, il revient bien Alors, contre les Knicks, ça a été alors, compliqué, mais. alors après, d'ailleurs, j'ai vu que ce soit dans la vidéo de Trash Talk ou dans d'autres personnes, dire ouais, mais regarde, ne me parlez pas des bilans parce que regardez Curry. On parle de Curry. Ouais, puis Curry, ça se passe chez lui. Non, mais ça Ça se se passe passe. chez lui Non, mais aussi. on parle de Stephen Curry. Tu sais qu'il y a des Comme joueurs. LeBron, Tu c'est. sais qu'il y Voilà, a des c'est. joueurs, ils seront All-Star jusqu'à Jusqu'à la la fin de leur fin de leur carrière. carrière. Ah. Et ce sont des statues. C'est que, malheureusement, on peut gueuler comme on veut. Sabonis, il n'a pas le statut de Stephen Curry. Mais c'est normal. Donc après, bon ben voilà, Curry, il est All-Star. On peut trouver normal ou pas normal. Moi, je pourrais estimer que c'est pas normal. Mais derrière, après, tu te dis, c'est Stephen Curry. C'est-à-dire un des Et plus puis. grands joueurs de l'histoire de la NBA, le meilleur shooter de l'histoire de la NBA. C'est une légende de ce sport. C'est Puis comme. ça se passe chez lui, ça se passe à San Francisco en plus. Donc effectivement, qu'il n'y ait pas de représentant des Warriors, surtout en sa personne, ça aurait été très compliqué. Et puis voilà, c'est un vote, c'est de la popularité, c'est des choix, choisir c'est renoncer. Si c'est juste par les stats, bon bah dans ce Il cas-là, il n'y a pas faut besoin de pas faire de oublier que. vote, on envoie les mecs qui statent le Non, puis plus, quoi. on dit les médias, parce que beaucoup de gens disent, ouais, mais regardez les médias. Et il faut pas Non, mais même oublier. les joueurs entre eux, Mais les voilà, coachs. tu as les joueurs, tu as les médias qui ont un tiers, les joueurs qui ont un tiers, et les médias qui ont un tiers. À un moment donné, par exemple, pour Brunson, les joueurs et les médias l'ont mis en deux. Écoute. C'est qu'ils reconnaissent une qualité et qui de mieux que les joueurs qui sont sur le terrain pour apprécier leur père. Voilà quoi. Voilà. Et puis il y a sûrement aussi voilà, la bonne presse qu'ont certains joueurs en interne. Je pense que Trae Young, vis-à-vis de certains coachs, ça a du mal à passer. Donc Qu'est-ce effectivement, qui te fait dire ça? Hein? Pas du tout, qu'est-ce qui te fait dire Le ça? fait que. Bon bref. On a trop parlé des autres. Allez. Au rayon des joueurs improbables, qui c'est qu'on a vu? Kevin Knox! Non, pardon, Carmelo Anthony au Qatar. Mais on s'en fout de Kevin Knox. Kevin Knox, pas All-Star en G-League, ça c'est scandaleux. Ça Non, il c'est n'y a du. aucun scandale. Ça, il a été snobé. Là, il a été snobé. Tu fais le forceur à parler de lui. Moi, je te parle de Carmelo Anthony au Qatar parce que oui, monsieur est ambassadeur. Qu'est-ce Et qu'on s'en monsieur ambassadeur, fout? il se Oh déplace à d'autres chameaux. là là. Et ça, il faut qu'on en parle. Oh Ça, il fallait qu'on en non. parle. Oh, on s'en fout Coupe du totalement. monde au Qatar? Ah bah si, si. Wemby, je pense que ça fait partie de ces rendez-vous qu'il aura coché sur son palmarès en devenir. Est-ce que le Slovène, Luka Doncic, maintenant qu'il sera champion avec les Lakers, voudra doubler avec un titre de champion du monde? On verra tout ça. C'est en 2027. C'est pas pour tout de suite quand même. C'est pas pour tout de suite. Et puis les Knicks, ils sont forts. Bah oui, on n'en parle pas assez. Les Knicks, ils sont forts. Pourquoi est-ce que les Knicks sont forts? Parce qu'ils ont terminé le mois de janvier. Parce que oui, on est au mois de février. Avec leur meilleur bilan depuis 28 ans. Oui. 32 victoires. Ça fait un bon moment qu'on n'avait pas ce bilan-là en fin du mois de janvier. Eh ben tant mieux. Ça fait 28 ans. Ça nous rajeunit pas. Et est-ce que ça annonce une bonne saison, c'était saison 96-97, je crois. Et pour fêter ça, tu prends un blowout. Pardon. Et pour faire ça, tu te fais. Voilà. Bon, et on rigole, on rigole. On a beaucoup parlé des autres. Il y a un truc qui nous a un peu moins fait rigoler et qui peut, pourquoi pas, semer le doute sur la suite de la saison. C'est la blessure d'OG Anunoby. C'était sur le dernier match de la semaine passée, c'était face aux Lakers. Et c'était sur une action bah, qui est un peu surprenante parce qu'il n'y a pas vraiment de contact. On voit OG qui part à la position. Extérieur pour pourquoi pas prendre un shoot à 3 points et puis tout de suite il s'écroule, il se tient la jambe, on sait pas ce qui s'est passé, ça fait crack, ça a claqué, on sait pas, peu d'informations si ce n'est que pour l'instant au X-ray, au rayon X, il n'y a pas eu de blessure de confirmée sur l'IRM, Entorse du pied. voilà, Entorse du pied. ça parle d'une entorse, on voit pas la cheville qui tourne pourtant, on voit pas grand-chose quoi. Moi, écoute, moi, je reste sur la communication du club. que quand l'année dernière, il y avait eu la blessure de Julius pendant longtemps, ça a été dans le flou. Et plus c'est dans le flou, plus tu te dis, putain, ça sent pas bon. Là, rapidement, finalement, il y a eu des examens qui ont été faits, il est parti au vestiaire. Et rapidement, ils en sont revenus en disant, c'est une entorse du pied. Donc, moi maintenant, voilà. On lui file du repos, Pas de panique. il joue plus jusqu'au retour du All-Star Break. Il revient après, voilà. Là maintenant, du repos, tranquillou. Il a annoncé questionable pour le Ouais, match de ce c'est soir. pas qu'il joue, c'est pas qu'il joue. Non, c'est de la connerie ça. Par contre, C'est peut-être de la com aussi. C'est peut-être de la com pour dire il n'est pas out. On verra comment ça va évoluer. Bon, il est pas revenu du match. Il est sorti tout seul au vestiaire. On l'a vu partir dans les travées du Madison Square Garden. Donc il n'était pas porté, il n'était pas en chaise roulante. Voilà, il en menait pas large, il boitillait un peu, mais bon, on se méfie avec OG. Il a été plutôt touché aux épaules, coudes, plutôt sur le haut du corps. Voilà, une cheville qui tourne, ça peut arriver. Là, on voit pas de cheville qui tourne, donc Là, il reste voilà. 7 mois avant le break. Il serait bon Il de reste souffler un petit peu. cinq matchs. Alors ouais, ok, il y a du gros, hein, il y a du Houston, il y a du Boston. C'est pas grave. Là, si on veut préparer les playoffs, là, Forçons pas quoi. faut pas qu'ils jouent. Ouais, non. On peut arriver à dépanner avec du Achiuwa. On peut arriver à dépanner, mais il faut pas qu'ils jouent. Faut pas qu'ils jouent. Faut qu'ils se reposent. On verra ce soir. On risque plus l'aggravation qu'autre Aggravé. chose. Ah non, ça sert à rien. Cinq matchs. Jusqu'à présent, il avait manqué aucun match de ce début de saison régulière. C'était assez rare pour le souligner. Là, on est peut-être sur quelque chose de fatigue. Effectivement, sur le match, ça se produit assez tôt dans le match. Et il était plutôt à son aise. On aura Malheureusement, sur le détail du match tout à l'heure. si j'ai envie d'être cynique, je dirais, on était tous là à se demander quand est-ce qu'elle allait arriver cette blessure. Mais c'est vrai. On était tous là en mode, ah tiens, pour l'instant ça tient, on touche du bois. Et puis il y a cette réception là, c'est pas trop, sans contact. C'est surtout le sans contact en fait qui fait peur. Et tu te dis, il n'y a pas de coup, il n'y a rien, tu sais. Il ressort le ballon, il tombe, même LeBron, il est devant lui en mode, mais qu'est-ce qui t'arrive gros, tu vois, il y a un Ouais, problème. ça va pas, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Je t'ai pas touché là, Et ouais, tu Le vois. match était engagé physiquement sur d'autres Surtout que séquences, sur d'autres aspects. là, il faisait une bonne défense, bien physique sur Là, LeBron. sur cette action, on a beau la voir, la revoir. Il n'y a rien d'alarmant, il n'y a pas une mauvaise prise Écoute, après, d'appui. il va au vestiaire tout seul, il marche. Le club dit c'est une entorse du pied. Allez, soit. Ok, moi j'avale la soupe. J'espère pas que c'est une fracture de fatigue. À un moment donné, certains ont laissé couler cette Il information, boitait cette pas tant que supposition, ça. Hein. suspicion. Une fracture quand même du. Ça aurait été une fracture du pied. Une micro-fracture, je sais pas. Mais voilà, c'est quand même des images troublantes. Parce que voilà, on le voit s'écrouler. Il n'y a pas de cheville qui glisse, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de contact et tout. Enfin. Et il se tient, donc c'est que voilà. Même si c'est un joueur qui s'écoute peut-être trop. Mais encore, on est qui pour dire ça, vis-à-vis de son retour de blessure. Des fois, on sait que les joueurs aiment retrouver leur pleine sensation, leur pleine mesure de leur potentiel physique pour reprendre la compétition. Mais là, voilà, il s'arrête en pleine séquence. C'était curieux. On croise les doigts, on envoie des prières, vous faites tout ce que vous pouvez pour que OG nous revienne en bonne forme, en bonne santé au moment important. C'est peut-être pas forcément ce soir sur le prochain match face aux équipes. Qui c'est qu'on joue que ce soir? Houston, oui, c'est ça. Qu'on l'attend le plus. Oui, il aurait été utile. Oui, il est important, OG Anunoby. Oui, il a eu des performances un petit peu en dents de scie ces derniers temps. Mais surtout, ça va être ce qui va être le plus important, ça va être de retrouver la forme pour les moments qui comptent. Et le All-Star Break pourrait être un bon moment pour souffler un petit peu, ménager ces Ouais, physiques qui sont mis à rude épreuve. faut le ménager là. Faut... Allez, OG, là, du repos. Tom, on compte sur toi. Hein. Tu C'est pas le te moment d'aller ranges forcer sur lui. ton frein. Tu lui dis, bon, OG, tu peux te reposer. Voilà. T'as le droit, Hop, t'as le droit. voilà, tu passes à autre chose. Tu t'en vas, tu vas boire un café. Voilà, tu. Au pire, nous, on lui fait un mot des parents pour dire que OG peut pas venir au sport. Allez. La semaine dernière, bah oui, parce que la semaine dernière elle est passée, on a fait la transition de janvier à février. On l'a dit, en janvier, les Knicks font un bon mois, terminent bien. Et terminent bien, bah, les deux derniers matchs du mois de janvier, c'était la réception des Memphis Grizzlies et ensuite la réception Rien que ça. Rien des que ça. Denver Nuggets. C'était pas rien. Le mois de février a commencé avec les Lakers, on va revenir sur le match après. Mais les Knicks ont plutôt bien commencé leur semaine. On pensait tous les deux que les Knicks allaient s'incliner face aux Memphis Grizzlies. Ouais. Les Memphis Grizzlies, troisième de leur conférence, avec un bilan légèrement au-dessus. Il y avait une victoire de plus que les Knicks au moment où on les reçoit au Madison Square Garden. Et ils étaient bien, ils étaient sur une bonne série, ils étaient bien. Ah, ils étaient sur une belle, belle tendance. Donc voilà, on n'était pas forcément serein. On s'est dit, ah, les Knicks vont s'incliner. Ça faisait déjà 4 matchs consécutifs de gagner. Bon, peut-être un coup de moins bien, un jour sans adresse. Eh ben non, c'était pas ce soir-là. Ce soir-là, les Knicks ont rayonné. Ces soir-là, ouais. Les Knicks ont été bons. Ce soir-là, les Knicks ont dominé leur adversaire, tout simplement. Il faut appeler un chat à chat, un grizzly, un ours. Fallait peut-être pas vendre la peau de l'ours trop vite, mais à la fin de la rencontre, bah ouais, on pouvait la vendre parce que les Knicks ont dominé. La deuxième mi-temps, fantastique. La deuxième mi-temps est incroyable. Ouais, parce que arrivé à la mi-temps, le score il est de combien? Il est de 60-52, donc 8 points d'avance. Voilà, les Knicks avaient plutôt fait une bonne première mi-temps, mais pas d'écart au score qui permet de dire ça y est, c'est fini, les Knicks vont l'emporter. On craint souvent des fois le retour du vestiaire au troisième quart-temps, avec un petit coup de moins bien des titulaires, et puis bah non, là sur ce match, ça s'est bien passé. Bizarrement, tu reviens du quart-temps. Les Grizzlies recollent au score quasiment. Oui. Hein, et là, tu te dis, oula, ça revient. C'est peut-être les fameux soirs, quoi. Et tu te dis, bon, ben voilà, ça revient, ils sont revenus. Et puis, d'un coup, là, ça a monté d'un level à New York. Défensivement. Défensivement. Et tu t'es retrouvé, j'avais l'impression que Memphis était perdu sur le terrain. Ça harcelait, ça interceptait, ça contrait, ça bam bam bam. Et t'avais l'impression que dès qu'ils montaient la balle, tout de suite ils étaient en panique et je les voyais mais perdus sur le terrain. Entre la fin du troisième quart et le milieu du quatrième, ils étaient Memphis était abattu, ils étaient KO. KO, tu sais, comme un mec qui prend un KO, il est debout, tu sais, il est groggy, il essaie de se tenir, mais tu sais que tu sens que c'est compliqué. Mais là, c'était pareil. Ils étaient KO debout, ils arrivaient à rien. Cette deuxième mi-temps était incroyable du côté de New York. La façon dont ils ont monté leur niveau défensif, c'était vraiment magnifique à voir. Un régal. Un régal. Des fois, on cherche un petit peu des matchs de référence. Bah, sur celui-ci, on a une très belle production collective. Ah ouais. Le banc, on peut en parler. Achua qui nous sort un 14 points en 20 minutes. Très, très bon. Ouais. Un McBride également qu'on retrouve et qui nous fait plaisir à 14 points. Mm-hmm. Un Campaign à 11 points. Alors, un peu moins d'arrêt à 3 points. Il est 1 sur 6 sur cette rencontre. C'était un peu moins ça. Chamette, 6 points bon en 12 minutes. Et Michael Bridges sur Ja Morant, il l'a mis sous verrou. Non mais, Grave. Incroyable. Grave. Et avec ça, il score 28 points, 5 rebonds, 6 passes, des pourcentages plutôt bons, 34 minutes de temps de jeu, en plus on fait souffler, on fait tourner l'effectif, et ça se termine, bah, ni plus ni moins, en blowout. Énorme. 143 points inscrits. Les Knicks continuaient leur razzia offensive, après en avoir collé 140 au Sacramento Kings, hein, voilà, les fameux De'Aaron Fox et compagnie, on en a beaucoup parlé tout à l'heure. Et ben voilà, on enchaîne un deuxième match à plus de 140 points. Royal au bar, quoi. Enfin, les Knicks étaient en mode blowout face au troisième de la conférence Ouest. Ouais. Donc on nous dit souvent, ouais, l'Ouest c'est supérieur à l'Est. Bon, bah sur ce match-là, l'affiche elle est. Puis le Memphis était au ah complet. Bah, il n'y avait pas d'absence. Mais de façon générale, parce que là, ce que tu dis là. Ouais, l'Est et l'Ouest, ils sont pas. Sur cette confrontation, attention, là, tu peux pas. On va attendre deux matchs et puis on va la ressortir, cette phrase. Non, mais sur cette confrontation-là, 143 points face au troisième de la conférence, voilà, c'est ouais, un blowout sévère pris par les Grizzlies. Oui, bien sûr. Je crois qu'ils n'en avaient pas pris comme ça depuis un bon paquet de temps. Les Knicks ont déroulé leur basket et c'était bien plaisant à voir. Il n'y a que Josh Hart qui est un petit peu en retrait offensivement parce qu'il termine la soirée avec 10 rebonds et 5 passes. On n'avait pas besoin de lui. Mais autrement, JB 20 points, 20 points 6 passes, 4, 24 points 11 rebonds, sachant qu'il y avait quand même un Zakidi qui lui envoie du centimètre en face. Alors après, bon ok, Zakidi c'est un rookie, il aura besoin encore un peu de temps pour maturer en NBA. Mais on avait quand même un Jaren Jackson Jr. qui était joueur de la semaine dans la conférence Ouest. Qui débarquait au Garden, donc voilà, on avait une équipe en principe qui était pleine de confiance et tout, et les Knicks ont très bien joué le jeu, et c'est surtout défensivement qu'on a pu voir on va dire pas les Chicken Wings, mais les Wingstoppers que sont OG et Mikal, qui ont tenu aussi un Ja Morant sur un petit volume incroyable en production offensive. Donc ça a été plaisant à voir sur l'aspect défensif, et c'est ça qui a permis de faire gagner le match. Donc comme quoi la défense, ça fait gagner des matchs, et c'est peut-être pour ça que Luka Doncic n'est plus un mouse. Derrière, les Knicks enchaînaient avec quoi? Avec la réception des Denver Nuggets. Et là, moi aussi, j'étais pas forcément très serein. J'avais plutôt annoncé une défaite des Nuggets, les Nuggets que les Knicks avaient battu chez eux un peu plus tôt dans la saison. Là, cette fois-ci, ils étaient au complet, et ils étaient tellement au complet qu'ils ont mis Russell Westbrook dans le 5 de départ. Ouais. Ça a changé un petit peu la donne. Westbrook qui avait fait une très bonne partie et un petit coup de remontada lorsque on s'est déplacé dans le Colorado. Là, il y avait du Aaron Gordon, il y avait du Michael Porter Jr., il y avait tout le monde en fait. Il y avait tout le monde, mais Jokic, il a vite été retourné sur le banc parce qu'il a été pris par les fautes. Ouais. Ça a sûrement joué en faveur des Knicks parce que ça a nettement diminué le rendement de leur joueur star, de leur MVP, de leur franchise player, celui par qui tous les ballons passent. Ouais, mais au final, tu sais, regarde, il a pris ses deux premières fautes dans le premier quart assez vite, hein, au bout de 5-6 minutes. Il finit à trois fautes. Hein. Donc, après, sur sa seconde partie de match, et pourtant, il a su se gérer, il n'a pas été attaqué de la même façon. Et pourtant, il finit à 17 points, 6 rebonds, 6 passes. Tu fais son match statistiquement avec un temps de jeu limité, mais pas trop finalement. Il finit, tu vois, enfin, il joue quand même 33 minutes et sa deuxième mi-temps où ben, finalement il fait pas beaucoup de fautes, il en fera une. Il n'aura pas pesé tant que ça sur le match par la suite, quoi. Non, mais ça a surtout déstabilisé le jeu des Nuggets d'entrée de jeu. Parce que voilà, il s'attendait pas à le faire sortir aussi vite. Donc les Knicks ont bien, enfin, il a pris rapidement sa faute, et puis après les Knicks, on a vu qui allait sur le joueur pour lui faire prendre la deuxième. Bon, bah tant mieux, ça a profité à New York. New York qui s'en sort une nouvelle fois vainqueur face aux Nuggets. Donc cette saison, 2-0. Il y aura pas d'autres rencontres à moins de finale NBA. Et ça, on le sait. Pour les Nuggets, et pour les Knicks surtout. Et alors on avait collé 145 à l'aller. C'est ça. À l'aller, on leur avait mis déjà une sévère. C'était le plus gros scoring de la saison. Donc, après en avoir passé plus de 143 aux Kings, après en avoir passé 143 aux Grizzlies, là, on baissait un petit peu en gamme. On n'était que à 122, une victoire de 10 points à la fin. Mais le match était plaisant. 112. Le match était plaisant parce que la décision s'est fait dans les 5-6 dernières minutes, quand même. Hein. C'était quand même un peu plus accroché. On n'est pas sur un blowout. Là, on est sur un match où les titulaires vont jouer leur trentaine de minutes. Un peu plus même pour certains. Okay. En termes de contribution du banc, on est sur un banc un peu plus restreint là. À 5 minutes 38, il y avait 104-108 pour New York. Ouais. Donc ça c'est... Les Nuggets n'ont pas plié, mais voilà, pas plié tout de suite. Ça s'est décidé sur la fin. Une belle contribution du banc, en l'occurrence par McBride, encore 12 points. Donc là, ça faisait deux matchs à plus d'une dizaine de points pour McBride. Ça, c'est le McBride qu'on veut voir, avec des plutôt bons pourcentages. 7 points pour Campaign et 8 points pour Precious Achiuwa en 26 minutes. Les titulaires, JB termine meilleur marqueur de l'équipe avec 30 points et surtout 15 passes décisives. 15 passes décisives pour un meneur qui s'annonce meneur All-Star. Voilà, sur une affiche, encore une fois... pas évidente, hein. Il y avait moyen de mettre quelques joueurs en opposition de JB, mais JB était en totale réussite sur ce match et en belle application de du collectif. Un petit double-double des familles, 14 points et 10 rebonds pour Karl-Anthony Towns, un peu plus discret offensivement. Qui d'autre, OG, avant sa blessure, 23 points, plutôt pas mal. Mikal, un petit peu plus discret, 13 points, mais ça fait l'affaire. Et puis encore un bon Josh Hart, 15 points, 5 passes, 5 rebonds, dans des pourcentages qui sont corrects, en 34 minutes. Tu sais que Jalen Brunson, sur le mois de janvier, il aura tourné à 27,4 points, à 7,2 passes, à 50% au tir. Il y a 41% à 3 points sur le mois de janvier. Et gros mois de JB. Hein. Gros mois de JB. Malheureusement, après janvier, il y a quoi? Il y a février. Et on a mal démarré ce mois de février. Réception des Lakers. Les Lakers qui n'avaient pas Anthony Davis. Dommage. Il n'y avait pas Anthony Davis, donc on aurait pu se dire que les Lakers, enfin les Knicks, pardon, qui étaient sur 5 ou 6 victoires, je ne sais même plus là, consécutives. Donc on pensait tous les deux que les Knicks allaient s'imposer face aux Lakers. Ouais. Enfin, du moins, moi je le pensais. Je ne sais plus toi, dans ton prono. Moi j'avais, à 2-1. Moi, j'avais dit 2-1, mais j'avais dit victoire contre Denver et contre les Lakers. On avait tous les deux les victoires contre les Lakers et patatras. Ouais. Et patatras, ça s'est pas passé comme prévu. Alors LeBron qui vient au Madison Square Garden, c'est toujours un cirque pas possible. Là, cette fois-ci, le match était diffusé sur ESPN, donc on avait beaucoup d'attention sur LeBron James. Est-ce que c'était son dernier match au Madison Square Garden? Il a été interrogé par Doris Burke en fin de... Doris Burke? Je me pose Doris Burke, bref. Il a été interrogé en fin de match. Il a dit « Ah, vous verrez ». Bon, ça sent pas la retraite tout de suite. Voilà, le fiston a aussi pu jouer. Et les Lakers bah, qui ont tenu la dragée haute défensivement face aux Knicks. C'est surtout là où on a vu les difficultés des Knicks dans cette rencontre. Que ce soit Jalen Brunson ou Karl Anthony Towns, ils n'ont pas eu du tout le rendement prévu. On sait que Karl Anthony Towns, parfois, il peut avoir un petit peu de retard à l'allumage offensivement, mais qui compense aussi par une très belle présence au rebond. Et bien là, ça n'a pas été le cas offensivement, mais ça n'a pas été le cas au rebond non plus. Et pour autant, on le dit, on le répète, il n'y avait pas Anthony Davis sur ce match. Donc voilà, là où la défense des Lakers aurait pu être affaiblie par l'absence d'un joueur comme Anthony Davis, qui fait une très belle saison au demeurant, et ben ça n'a pas été le cas. Et c'est toute la paire d'ailiers interminables que sont Hachimura, pardon, Vanderbilt, qui d'autres qu'on a vu passer, Christie's et compagnie, qui ont voilà, tenu, posé des difficultés à la défense. Enfin, défensivement, Jalen Brunson qui s'est empêtré dans la raquette de nombreuses fois, obligé de ressortir les ballons et pas forcément trouver des positions de shoot. Ça a été compliqué pour JB. JB termine quand même à 17 points, mais 0 sur 2 à 3 points. Peu de shoot à 3 points. 17 points en 40 minutes. 7 passes tout de même. Karl Anthony Towns, 11 points, mais que 6 rebonds et 5 fautes aussi. Compliqué en termes d'adresse, 3 sur 12, 1 sur 2 à 3 points. Anunoby, on en a parlé, OG, c'est un bon début de match, hein, il fait 13 points en 17 minutes, malheureusement il se blesse et on ne le reverra pas de la rencontre. Est-ce qu'avec un OG un peu plus présent, avec en gros une trentaine de minutes par match, est-ce que les Knicks auraient pu essayer d'accrocher cette victoire? Parce que c'est une défaite 112 à 128. LeBron a poussé les petits coups d'accélérateur quand il fallait. Il y a eu encore une fois une pluie de 3 points à tomber sur la tête des Knicks. Un coup Gabe Vincent, le rookie, on dit Connect là. Ouais. Le rookie des Lakers, Hachimura, et pas Hachua, Rui Hachimura, le japonais, qui s'est fait aussi plaisir dans cette rencontre. Bref, ça a été compliqué, ça a été accroché pendant le début du match, où les Knicks étaient allés à 5-6 points de retard, revenaient, après les Lakers reprenaient un petit peu de distance, et ça a fait le yo-yo pendant un petit moment. On s'est dit, avec le retour, le réveil de JB ou de Karl Anthony Towns en seconde mi-temps, ça devrait pouvoir le faire, les Knicks vont passer devant. Et ben non, ça n'a jamais été le cas, et au final, une défaite qui vient terminer l'assez belle série de victoires. Les Lakers qui s'imposent, qui ont fait une très belle partie défensivement et qui ont su donner des difficultés. Austin Reaves aussi qui s'est montré à son avantage à 2-3 occasions. Notre raquette, c'était de porte ouverte. Hein. Ça a été compliqué et l'absence de OG a pesé forcément. Il voulait. Sur le banc, sur ce match, bon, on a Precious Achiuwa qui nous fait quand même 15 points, 15 rebonds. Il faut quand même le saluer. En 29 minutes, au moment où il faut dépanner parce que OG était sur la touche, bah, il a répondu présent. Voilà, donc ça, vous savez le bien qu'on pense de Precious, le précieux. McBride, encore une fois, 12 points hein, sur cette semaine, 14-12-12. On a la contribution de McBride en sortie de banc. Et là, lorsqu'il est arrivé sur le terrain, il a apporté ses petits coups de boost qui ont permis des fois les Knicks de recoller au score. Mais ça n'a pas été suffisant. Campaign, 6 points. 6 minutes, 0 points. Là, c'était au mode tout ou rien. Bah, Campaign, c'était rien du tout. Voilà, le banc a été ouvert à la fin parce que Tom Thibodeau a lâché l'affaire à 2-3 minutes de la fin de la rencontre. Landry Shamet également 0 points sur cette rencontre en 9 minutes. Voilà, c'était la fin de la série. Les Knicks terminent par une défaite et commencent le mois de février par une défaite. On espère qu'il n'y en aura pas trop au mois de février. Ceci dit, c'est un mois où on joue un petit peu moins avec le All-Star Break. Et donc, c'est un bilan de 2-1 sur cette semaine. Non, mais après, pour revenir vite fait sur ce match, en deux mots, T'as ce panier incroyable de Josh Hart qui nous maintient en vie au au buzzer à buzzer la mi-temps. à la ouais donc au troisième quart, au troisième, à la fin C'est du pas la mi-temps? la Ah, fin je sais plus, mais en tout cas, il y a. c'est à la fin du troisième, c'est la fin du troisième quart où il marque ce buzzer où t'entames le troisième quart-temps à 91-89. Ouais. T'entames le troisième quart-temps à 91-89, t'es à 2 points miraculeusement parce que bon, le match a été un peu compliqué. Tu te dis bon allez et en fait ben nos All-Stars terriblement déçus. C'est dommage. McBride, le quatrième quart est catastrophique de McBride. Il perd un nombre de shoots manqués, de mauvaises décisions. Le quatrième quart de McBride est dégueulasse. Un Josh Hart qui était le seul à avoir à maintenir Oui. un certain niveau. Ah, il Même termine en triple double, son eh oui. septième de la saison, 26 points, 13 rebonds, 11 passes. Mical, Et 1 sur 5 à 3 points, donc voilà, c'est la seule tâche sur la ligne de stats. Mical un peu discret avec ses 16 points, il en a presque autre. Il a presque une ligne de stats autant noircie que celle de OG avec le double de temps de jeu en moins. Alors oui, est-ce que OG aurait été toujours là? Est-ce qu'on aurait gagné? Ben, on n'en sait rien. Mais en tout cas, à 2 points, en entamant le quatrième quart et avec une équipe au complet, ben, tu peux te dire peut-être. Parce que ben, peut-être qu'il aurait marqué 2-3. Ouais, les Knicks n'étaient pas distancés, largués au Non, score, mais voilà. après le quatrième quart, tu prends la volée. Et t'existe plus le quatrième quart. Tu commences, t'entames, comme je t'ai dit, à 2 points. Et puis rapidement, tu vois, tu te retrouves à 4 minutes de la fin, à 117-104. Donc, Ouais. t'imagines, enfin, bref, ce match contre les Lakers, j'ai vu beaucoup de copains de la Knicks fan gueuler au scandale. Bon, un peu oublier ce qui s'était passé. Durant les quelques jours auparavant, des matchs perdus, il y en aura d'autres. Y en aura d'autres. Des matchs perdus en blowout, il y en aura d'autres. Des matchs où on sera mauvais, il y en aura d'autres. Maintenant, cette équipe a su nous montrer qu'elle arrivait à rebondir de ça. Donc, bon, ben voilà, on sait que des fois, cette équipe, elle passe complètement au travers. Là, c'est ce qui s'est passé contre les Lakers. Bon, ben, elle est passée au travers. Et il faut saluer la défense des Lakers. Moi, j'ai trouvé que la défense des Lakers avait vraiment cadenassé, que ce soit Kat avec des prises à deux systématiques, que ce soit Jalen Brunson avec des prises à deux systématiques. Ça nuit au rayonnement de ces deux joueurs. Car Anthony Towns, qui est souvent bien en tour de contrôle au niveau du passing game, bon, il termine quand même la rencontre avec trois passes. Mais voilà, il y a eu de nombreuses fois où les ballons ont été coupés pour une connexion avec Mikal, pour une connexion avec OG. Bon, voilà, tout n'est pas de la faute de Kat sur ce match, hein. Il est un petit peu en difficulté depuis Trois son retour sur de 12, blessure. à 3 sur 12, shoot. Bah, là où il aurait dû rayonner dans la raquette, voilà, à 3 points, il n'a pas abusé, il a 1 sur 2. Donc 50% à 3 points, Mais je il n'aurait t'ai pas shooté beaucoup. Mais dans la raquette, il s'est empêtré Oh là là. sur une ribambelle de Lakers à chaque fois Et puis, devant lui, quoi. il pouvait pas y avoir le trade qui se fasse avant. Ouais, histoire de les chambouler. Max Christie, pardon, qui fait un bon match aussi. Bref, les Lakers se sont tous mis un peu au diapason. C'est jamais un match comme les autres. L'arrivée des Lakers au Madison Square Garden. L'année dernière, les Lakers s'étaient imposés. Cette année, ils s'imposent encore. On verra au match retour. C'est dans quelques semaines de ça, après le All-Star Break en tout cas. Peut-être que les Knicks iront s'imposer aux Lakers. Le C'est des 7, choses qui pardon. sont tout à fait possibles. C'est le Il y 7. aura Luka Doncic, il y aura une autre équipe en tout cas. Il n'y aura pas Anthony Davis dans la raquette, ça c'est certain. On verra. Mais en tout cas, ouais, c'est dommage. Après, 2-1 sur la semaine. Eh ben, c'est pas un si mauvais bilan que ça quand on regarde l'adversité. Les Lakers, ok, c'est l'équipe la plus faible de la conférence Ouest affrontée la semaine dernière. Mais voilà, ils ont des ressources aussi. Bon, c'est pas scandaleux de perdre contre les Lakers. C'est très bien d'avoir gagné contre C'est Memphis. la C'est très bien façon, d'avoir gagné contre c'est la façon, Denver. c'est la façon, c'est la façon. Avec un JB un peu plus en réussite, avec un 4 un peu plus en réussite, je pense qu'on le prenait, quoi, et on finissait la semaine à 3-0. Bon. Ça arrive, ça arrivera. Karl Anthony Towns, qui a des performances un petit peu en dents de scie, gêné, touché par son pouce, et depuis sa reprise, c'est plus la même régularité. Heureusement qu'il a validé son titre, sa sélection de All-Star Starter avant, parce que là, c'était un petit peu plus compliqué, depuis la reprise. Mais bon, depuis que la KNF était à New York, et depuis qu'on a fait le KNF 4-Hip, c'est la première défaite. Faut vite qu'on y retourne, j'ai l'impression. Faut vite qu'on y retourne. Bon, c'était la rétrospective, la longue rétrospective de la semaine qui était entre autres chamboulée par, vous le savez, l'annonce, la trade, le trade réalisé par les Mavs. Nous, bah, on va quand même conclure cette rétrospective par un joueur de la semaine. On l'a dit, Karl Anthony Towns, des performances en dents de scie. On a dit, Jalen Brunson, il était bon sur deux des trois matchs. On a dit, Mikal, ça va, ça vient. OG, bon, bah, la blessure, ça aide pas. Miles McBride, pourquoi pas Miles McBride, qui retrouve un petit peu d'apport offensif, mais pas suffisamment. On aurait une victoire, peut-être qu'on aurait opté pour un McBride. Non, aujourd'hui, on va repartir sur un joueur que vous connaissez déjà, on l'a déjà vu, et ce joueur, c'est monsieur numéro 3, c'est monsieur Josh Hart. Et bah oui, il termine malgré tout dans cette défaite un petit peu dommageable face à son ancienne équipe, en triple-double, et un beau, une belle ligne de triple-double. C'est lui qui a apporté un petit peu le fringant, le saignant, ces attaques toujours qui se terminent avec la planche en lay-up de la part de monsieur Josh Hart. Moins réussite à 3 ben, points comme à une époque. Ouais, mais c'est pas le plus gros shooter à 3 points. Mais il est laissé ouvert par les défenses et les 3 points. Il est tellement saignant, quoi. Il est tellement. Ouais, ouais, et puis il fait encore le triple-double en 38 minutes, quoi. Encore, c'est un marathonien, quoi. C'est un marathonien. Tu regardes sur le mois de janvier, tu vois, tout à l'heure, j'ai dit pour JB, Josh Hart, sur le mois de janvier, c'est 13 points, c'est 6 rebonds, c'est 6 passes, c'est 12 rebonds. À 51% au tir, et à 25% à 3, mais bon, les volumes, il prend un peu moins de 3 points, donc bon. Mais outre peut-être voilà, ce bémol de réussite à 3 points, c'est surtout souvent par lui que passe d'un coup l'équipe, elle va suivre son intensité. Et que quand tu vas avoir un jeu chart, c'est souvent lui qui initie les retours. Qui, ouais. Souvent lui qui donne impulsion, l'accélération, les fameux coast to coast. Même dans le passing game, il est là sur ce match, il délivre 11 passes. Donc voilà, il joue 11... que pour lui. C'est un joueur d'équipe. C'est un joueur. Extraordinaire. Enfin... Il ne sera pas All-Star. Il ne sera pas All-Star. Et non, il ne sera sûrement jamais de sa carrière. Il ne sera sûrement jamais. Il sera peut-être le recordman des triple-double Onyx. On va voir avec le rythme qu'il continue de garder. Mais c'est le genre voulait le récompenser. Donc, cœur sur Josh Hart. Josh Hart, c'est le genre de joueur que beaucoup d'équipes veulent et qui des équipes qui cherchent une bague parce qu'il comble tellement en fait, de trous, ce type. Que ce soit à la passe, que ce soit au rebond, que ce soit à la défense, que ce soit ben, au panier marqué. Enfin, ce type-là, c'est vraiment la définition du all-around player, quoi. Il est exceptionnel. Enfin, il est exceptionnel, Josh Hart. Voilà, c'est... Et puis l'état d'esprit et tout. Enfin, bon, vous l'avez compris, on l'adore, notre ami Josh. Ah ouais. Et si Karl Anthony Towns et si Jalen Brunson avaient eu un peu plus de réussite, il y aurait sûrement eu de la victoire. Mais voilà, en tout cas, il n'a pas à rougir de sa prestation dans son dernier match face aux Lakers. Et même s'il n'est pas All-Star, eh ben nous, voilà, on tenait à lui décerner nos petits coups de cœur de la semaine. Bon, il est All-Star de cœur. Après, il est All-Star de cœur pour nous. Voilà comment nous allons boucler notre rétrospective. Et on va se projeter maintenant sur ce qui se présente sur cette semaine d'Enix. Et il y a quand même pas mal de choses intéressantes, pas mal de rendez-vous importants à ne pas manquer. On regarde ça tout de suite ensemble sur ce qui se présente au programme de cette semaine. Allez, c'est parti. Hop, une petite lichette, et qu'est-ce qui se présente? La Luxury Tax, oulala, qu'est-ce que c'est ça? Chris Boucher, oulala, Jonas Valanciunas, qu'est-ce que... On parlait pas des matchs? Gershon Yabusele, carrément. Eh ben oui, parce que cette semaine, elle risque d'être encore assez mouvementée dans la NBA. Vous l'avez vu, le dimanche, ça n'a pas tardé. Le samedi soir, ça n'a pas tardé. Le dimanche, ça n'a pas tardé. Il y a déjà eu pas mal de trades. Il y a encore des gros noms qui pourraient bouger. Côté New York, la trade deadline, on sait quelle est la date limite. C'est jeudi soir, le 6 février, à 21h. À partir de ce moment-là, plus de trades seront possibles. Il y aura peut-être le marché du buyout sur lequel les Knicks pourraient se montrer, pourquoi pas, actifs. Et encore, il faudra voir les marges de manœuvre qui leur seront possibles. Il y a des équipes qui cherchent des pivots. Les Knicks, est-ce qu'ils cherchent des pivots? Je ne sais pas. Il y a eu quelques noms, en tout cas, qui sont apparus cette semaine dans les radars, dans les annonces. Alors après, c'est des rumeurs. Il faut voir ce que ça vaut. Un Gershon Yabusele, c'est pas très très cher en termes de contrat. Les Knicks n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre de par leur position en seconde éperon où ils doivent donner autant de salaire qu'ils en reçoivent. Ils ne peuvent pas absorber plus de salaire. Après, rien n'interdit de mettre une troisième équipe dans la boucle en cas de trade. Mais voilà, il y a quelques noms qui sont apparus dernièrement. On l'a dit assez souvent, ça pourrait être intéressant pour une équipe qui a de l'ambition et qui a envie d'aller assez loin en playoff au printemps prochain, de renforcer son banc. Là, ces derniers temps, Miles McBride retrouve un petit peu de couleur, même si tu l'as dit dans le quatrième quart face aux Lakers, ah, c'était pas le meilleur McBride. Mais voilà, c'est peut-être un petit peu léger pour espérer voyager loin. Il y a le fameux retour de Mitchell Robinson qui va se faire à un moment donné. Dans quelle équipe, on ne sait pas. À quelle semaine, on ne sait pas. Avant le All-Star Break, après le All-Star Break, ce serait plutôt après le All-Star Break. Bref, des renforts Onyx, il devrait y en avoir, Mitch ou quelqu'un d'autre. Mais qui, alors là, il faudra demander à l'ami Léon. Léon Rose, qui avait plutôt bougé avant la date fatidique de la trade deadline les saisons passées. La saison dernière, c'était Alec Burks et Bojan Bogdanovic qui ont été récupérés du côté de Détroit. Là, on l'a vu, il y a des équipes qui ont déjà bougé pas mal de pièces et qui entament, pour certaines, déjà le mode tanking ou reconstruction dans la bonne forme, dans le politiquement correct. On pense à Chicago. Mais voilà, il va y avoir peut-être des coups à faire. Ça va pas être simple côté Léon Rose. Toi, qu'est-ce que tu as vu passer comme rumeur, comme nom qui te plairait, ou au contraire comme nom qui ne te plairait pas là dans ces derniers jours, dans ces dernières semaines? Et est-ce que tu penses que Léon va pouvoir bouger d'ici la deadline? Qu'est-ce que t'en penses, Seb? Mais après, je sais pas qu'est-ce que ce serait quoi la priorité, parce que j'entends beaucoup de choses. Ça aussi. Notamment. De quoi les Knicks ont besoin? Notamment en fait des fans français qui disent non, mais il faut que 4, il joue 4. Bon, 4, il a joué, il a joué toute la saison en 5. Il a joué une bonne partie de sa carrière en 5. Et puis en plus, on est une équipe où on a intégré quand même pas mal de nouveaux. Donc, de nouveau changer le système. On n'est pas les Lakers, on n'est pas les Mavs. Hein. En cours de saison, je pense là, l'équipe a appris à jouer avec lui en 5. C'est pas maintenant, en cours de saison, où tu vas faire revenir Mitchell Robinson en lui disant « Allez, toi, tu rentres. » En plus, il a manqué beaucoup de matchs. Donc, tu rentres, KT décalé et Hart, tu dégages sur le banc. Alors, dégager, c'est pas la façon de parler, mais je trouve pas ça pertinent. Peut-être qu'en effet, KT est peut-être meilleur en 4. Peut-être. Peut-être qu'il y aura une meilleure alchimie avec Mitchell Robinson en 5. C'est à voir. Peut-être qu'on la verra sur séquence, mais je pense que c'est pas là, en milieu de saison, qu'il faut faire ouais, ce genre d'ajustement. Comme Thibodeau n'est pas un coach non plus qui expérimente à outrance, il a besoin de temps d'observer, de voir un peu les performances des joueurs sur la constance, sur un échantillon de temps. Et là, cette idée que pas mal de fans, de Knicks fans, pensent effectivement un décalage de 4 dans sa position naturelle pour avoir une meilleure protection de cercle. Bah voilà, on a vu des séquences avec Precious Achiuwa quand OG est sur la touche, et il va peut-être l'être encore un petit moment. Precious peut-être joue ce poste 4, mais apporte cette protection de cercle. La protection de cercle, c'est pas nécessairement et absolument le poste 5. Mm. Et puis, dans les rumeurs, certains nous disent « Ah bah j'aimerais bien voir Gershon ». Gershon, s'il est très bon dans son rôle à Philadelphie, c'est pas un poste 5. C'est pas lui qui va redécaler Karl Anthony Towns, il va pas avoir un peu de titulaire. Jonas Valanciunas, en termes de protection de cercle, on a vu mieux. Chris Boucher, à un moment, on m'a dit qu'il jouait pivot. Oui, il est grand, il est long, il est fin, il mesure 2m6. Mais voilà, c'est pas un pivot starter en NBA en 2025. Quoi. Donc voilà, quels sont les besoins réels des Knicks? Oui, renforcer le banc. Moi, je verrais plus aller chercher un ailier. Alors, est-ce que Chris Boucher peut jouer ailier? Oui. Est-ce que c'est le joueur, le profil dont on a besoin? Je sais pas, franchement. Je l'ai peu suivi à Toronto. Il semblait être blessé quelques temps. Il est revenu un peu. Voilà, il a fait une petite hype à un moment donné. Il est plus très jeune. Je crois qu'il est la trentaine passée, hein, Chris Boucher, au regard de sa fiche, il me semble, sur Basket Référence. Mais voilà, de quoi les Knicks ont besoin? De joueurs d'expérience, ça c'est certain. Des rookies qui pourraient dépanner. On sait qu'il y en a. On connaît. Pas comme Dadier, accessoirement, semble avoir un petit peu du mal physiquement. Il joue plus non plus en G-League et tout. Il semble traîner une blessure qui le retarde un peu. Ces derniers temps, quand il y a du garbage time, on le voit plus. Il est plutôt en tenue civile. Mais voilà, visiblement, il faudra un joueur d'expérience, un joueur qui connaît le circuit NBA, qui sera prêt à l'emploi, qui sera prêt à des joutes de playoffs, pourquoi pas. Bon. Tu sais, moi, j'avais pensé. Alors, petit nom, petite suggestion. Ton micro déconne au moment où tu balances le nom. Redis-nous ce nom. Donc, moi, j'avais pensé au vu de l'actualité de ce qui s'était, de ce qui s'est déroulé. C'est-à-dire que nos amis des Lakers ont un déficit de pivot. Et donc, je me suis dit, tiens, nous... Toi, tu nous parlais japonais. Je me suis dit, tiens, on peut faire jouer Achua en remplaçant 5, hein, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il a fait l'année dernière aussi, hein, puisqu'il est 5, il était dans la rotation avec Hartenstein. Donc, il se pose, il le connaît, donc il n'y a pas de problème. On a compris que de toute façon 4 allait jouer 5, donc il n'allait pas être décalé en 4. Parce que même que quand il y a Achua, bah, c'est Achua qui joue 4 et c'est pas lui. Tout le monde l'a pas compris. Hein. Voilà. par contre, il nous manque une rotation sur, comme tu as dit, sur les ailes. Et sur une rotation, pourquoi pas 3-4. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, Rui Hachimura, pourquoi pas? Bah c'est pas mal. Rui Hachimura, c'est quand même un mec qui t'amène. Depuis maintenant plusieurs saisons, 13 points, 13 points, tu vois, alors c'est un type qui peut jouer quand même pas mal de minutes, hein. Là cette année il en joue 32 du côté des Lakers, il est titulaire, c'est un starter, l'année dernière il était plutôt remplaçant, donc tu vois, et jusqu'à présent c'est un mec qui a joué, on va dire, en moyenne, dans sa moyenne NBA, 27 minutes, et dans sa moyenne NBA c'est un mec qui t'amène 12,7 rebonds, points, pardon, qui t'amène 5 rebonds, et qui a environ 40% à 3. Et ben c'est pas mal ça. Tu vois, dans l'esprit, dans l'idée, je dirais pourquoi pas. Moi, je vais refroidir malheureusement tes ardeurs. C'est le contrat. Et ben c'est juste, on est sur 17 millions. Et ben oui, on est sur 17 millions. Et on a donc Mitchell Robinson qui est sur 15. Mais après, si tu envoies Daddy et Chamette, tu vois. Là, ici, je suis sur Fanspo, je fais une Il faudrait envoyer plusieurs joueurs pour, pourquoi pas, récupérer. Mais effectivement, ça serait un contrat, on va dire, un peu supérieur. Donc, il aurait besoin de faire plusieurs mouvements pour pouvoir... On enverrait pour 17,4 millions avec Mitchell Robinson, Pacom Dadier et Landry Chamette. Et on recevrait 17 millions. Donc, en plus de ça, on resterait sous le deuxième épreuve. Alors oui, ça ferait cher. T'envoies 3 joueurs pour Rui Hachimura. Bon, après, je suis pas GM. C'est pas mon travail. c'est pas... Des mecs à Dallas qui font très bien le travail. Enfin, très bien le travail. Voilà. Ou à Sacramento. Mais... Et d'ailleurs, petite parenthèse. Le mec de Dallas, Nico Harrison. C'est le fameux mec qui s'est foiré sur la présentation pour Stephen Curry pour Nike. voilà. Il est pas... C'est un récidiviste. À un moment donné, voilà. Donc si bien que j'avais pensé j'avais pensé à ce mec là je me suis dit pour les Lakers récupérer Mitchell Robinson, et écoute, c'est pas mal, ils ont un protecteur d'arceau, un mec qui est blessé autant qu'Anthony Davis, donc c'est parfait, ils sont dans la continuité, quoi. En plus, il roule avec des méga trucks à Los Angeles, il aura pas de problème dans les bouchons. Voilà, un petit jeune joueur français, tu vois, voilà, un petit jeune à développer. Et Landry Chamette, un mec qui met des trois quand il veut. Et d'autre côté, nous on récupérerait un type qui arriverait à combler notre déficit dans cette rotation poste 3. Alors, oui, Rui Hachimura, c'est pas non plus le plus grand des défenseurs. Mais comme l'année dernière avec un Bojan Bogdanovic, pas au même salaire, je suis d'accord. Rui Hachimura, comme tu l'as dit, c'est un type qui gagne cette saison 17 millions et la saison prochaine 18. Des poussières. Voilà. Donc, il y a deux saisons, il a 26 ans, on est sur un profil plutôt jeune aussi. Hein. Voilà. Alors, j'avais pensé à... C'est ta proposition. Je pense qu'on va relayer un peu la demande auprès de... de Léon Rose. Moi, j'aurai un autre nom. On D'accord. n'est pas sur la même veine. Ça vient plutôt de Chicago. Alors, est-ce qu'il est coupé, pas coupé? Il y avait des rumeurs comme quoi il serait coupé. Ça serait Torrey Craig. Torrey Craig, on est plutôt sur un poste délié. On n'est pas sur quelqu'un de première jeunesse. Il a 34 ans, notre ami Torrey Craig. Après, en termes de salaire, on est sur quelque chose de peut-être plus accessible, plus abordable, puisqu'on est dans les 2 à 3 millions de dollars la saison. Il a un peu d'expérience, hein, parce qu'avec toutes ces années, il a joué à Phoenix aussi. Donc, vis-à-vis de notre ami Mical, ils se connaissent un petit peu, pourquoi pas. Et voilà, Le est-ce type qu'en voyant plutôt blessé, en tout cas cette saison, il a joué En tout cas, cette saison, il a peu joué. il Il a a peu joué joué, donc il faudrait connaître un peu son état de forme ouais, actuel. C'est plus il l'interrogation, a et pas j'ai pas joué quoi. suffisamment suivi la saison des Bulls pour le savoir, pour pouvoir. Mais voilà, c'est plus, moi, je pense, ce genre de profil un petit peu plus second ou troisième marché, quoi. Ouais. De joueurs expérimentés, pas trop cher, parce que pas beaucoup de marge de manœuvre. Et puis ça éviterait de se séparer de Mitchell Robinson. Voilà. Je suis pas le plus grand fan de Mitchell Robinson. Je pense que son histoire va se terminer avec les Knicks. Si c'est pas là maintenant à la deadline, ça sera plutôt cet été, parce qu'on aura du mal à lui trouver une Ouais, place. et puis il y a ça comme Mitchell Robinson. Ouais, qui me déplaît aussi parce que beaucoup de. Vous allez voir, et en fait on voit rien Non, et parce puis que. même quand il a quand il quand, je crois que quand ça lui a été demandé, voilà, Je trouve en marge du groupe aussi. Enfin. votre nom est souvent associé à des trades. Quand il a dit, oh, bah, je m'en fous. Après, voilà, les joueurs prennent, ils contrôlent ce qu'ils peuvent contrôler, comme Ouais, le disent mais certains, et ils prêtent pas attention à toutes ces rumeurs, mais t'as envie de t'inscrire dans le projet Knicks ou pas, quoi? je trouve très T'étais bien à New York ou pas? Voilà, c'est plus ça que t'attends de. Et ça fait un détaché. moment qu'il est Après, là, quoi. peut-être que le club lui montre pas aussi, hein, un attachement particulier. On a voulu le renvoyer à Minneapolis l'été dernier. Donc voilà. À voir, mais voilà, un renforcement plutôt léger. Sur un poste délié, c'est plutôt ça qu'on verrait. S'il y a moyen de récupérer Gershon Yabusele, eh ben allons-y, hein, banco, en plus il coûte pas cher non plus, et il nous a fait kiffer avec l'équipe de France. On préférait le voir en Range and Blue que Tu sais dans le marasme des Sixers de qu'un cette saison. Gershon en rotation 4, en plus à ce prix-là, Il intéresse beaucoup de monde. ça serait. À voir si les Sixers sont capables de faire un deal avec nous, contre qui? Je sais pas s'il faut envoyer Jericho Sims ou Landry Shamet, Moi, pourquoi pas, on le fait. personnellement, j'y crois pas là, au projet tanking des Sixers Non, non plus. pour plusieurs aspects. Déjà d'une. Là, tu as compris que les Bulls vont trader aussi Vucevic. Enfin, pour moi, là, il va partir, si ce n'est d'autres personnes. Donc, clairement, ça va descendre au classement. Les Sixers ont 2 matchs de retard sur les Bulls et ils ont 2 matchs en moins sur le calendrier. Donc, 2 victoires et ils reviennent à leur hauteur. Et je crois qu'ils ont le kicker sur eux. Parce que sur la confrontation, pour l'instant, je crois qu'il y en a une, ils ont gagné. Ils ont trop investi d'argent sur Oui, pour Maxi, tanker. sur Paul Paul George, George. sur Embiid, qu'ils ont re-signé cet été. Parce que Embiid l'ont re-signé cet été. Donc, ils ont trop investi d'argent pour dire, ah ben, cette saison, on laisse tomber. Parce que je comprends à côté quand on nous dit, ouais, mais regardez leur pick, il est protégé 1-6. Leur pick, je ne sais pas à qui il appartient. Il faut qu'ils tankent pour le garder. Mais moi, je pense qu'ils vont pas tanker. Moi, je pense qu'ils vont aller chercher ce 10e, 9e spot à l'Est Ouais, histoire de sauver un peu la face, quoi. qui va leur garantir le play-in. Et puis en play-in, ça peut être une équipe chiante à jouer, hein. Et voilà, premier tour de play-off, s'ils retrouvent S'ils des sont. joueurs en forme, ça sera peut-être pas si simple, Ah quoi. bah oui. Maintenant, c'est comme tu dis, s'ils retrouvent les joueurs en forme. Quid de Bah oui, l'état de forme de Joel Embiid, qui a fait un fake comeback, il est revenu, mais il est reparti. On le voit faire le poirier et on nous dit qu'il à l'entraînement, ouais, et on nous dit qu'il a mal, qu'il a mal partout, et le mec il fait le poirier. Putain, mais moi En termes de communication, tu parlais de Mitchell Robinson, Joel Embiid, c'est une Ah catastrophe. mais C'est moi une je suis catastrophe. fan des Sixers, je le vois faire le poirier à l'entraînement, alors qu'il a les genoux en vrac et il retombe blam sur les genoux comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce type? Je pense que le jour où les Sixers vont trade Joel Embiid, il n'y aura pas la même crève-cœur que les fans des Mavs vis-à-vis de Luka Doncic, quoi. Ils feront, ah ok, c'est bon, il nous a saoulés, lui. Il a été MVP. Il a été. Ce n'a pas été Lucas, mais voilà. C'est un gros joueur qui a quelques rebonds sur l'arceau, aurait vu peut-être son destin changer à tout Mais. jamais. Mais là, actuellement, Je trouve que sur ces dernières saisons, comme tu dis, en termes de com, c'est C'est un peu poussif, quoi. C'est très poussif. catastrophique. Et là, en fait, là, je dis, là, le voir le faire le poirier, ça m'a. Mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Il se Bah, ouais. re-blessait. Là, j'aurais vu une info comme quoi, à l'entraînement, Joel Embiid se re-blesse. Ah, ben, j'aurais fait le lien direct. Je me dis, non, mais là, il a été un débile. Mais bon, bref. Ouais. Voilà. Donc, et tu sais que quand on voit Mais finalement donc, la question. quand on voit le trade de Luka, on se dit, mais en fait, tout est possible. Et pourquoi pas un jour, l'autre, ça le saoule. Comment il s'appelle le GM? Daryl Morey. Daryl Morey. Tiens, allez, Joel, va du côté de LA. Allez, c'est parti. Et puis. Je t'envoie contre un pic et puis bref, ouais. Mais bon, à voir du coup si ça libère Gershon Yabusele parce qu'il intéresse des équipes. On parle de Denver, on parle de New York, on parle aussi de Boston. Je crois que c'est Boston. Hein. Boston, ils auraient mieux fait le garder quand il était encore temps. Mais bref, c'est compliqué de développer des jeunes. Et donc à voir si Philadelphie renforce un adversaire direct de sa conférence, de sa division même, renforce un contender. Oui, Gershon, on sait qu'il va intéresser des équipes parce que son contrat est faible et qu'il joue plutôt bien. Donc il devrait signer un contrat plus élevé la saison prochaine. Donc plutôt que de le perdre contre rien, pourquoi pas? Peut-être que Philadelphie aura pas matière à le retenir la saison prochaine. Mais voilà, en même temps, il leur apporte peut-être suffisamment pour sauver les meubles sur cette saison et pourquoi pas gratter Après, quelque chose en play-in. Donc. La personne qui s'occupe du compte fan des Sixers sur Twitter qui a expliqué contractuellement comment ça serait très difficile pour eux de le retenir cet été, en sachant qu'ils n'auraient peut-être pas forcément l'argent pour lui proposer un contrat. Et D'ailleurs. qu'en fait, peut-être que les prétentions. Parce que là, il est vraiment. On a des prétentions très très basses. Oui, il a 2 millions là en ce moment. Il est sur un contrat voilà, ridicule qui revient de NBA, quoi. Au vu de ce qu'il propose cette année, fort à parier que des équipes seront intéressées pour lui proposer un peu plus. Un contrat à 10 millions la saison, c'est pas déconnant. Donc après, voilà, c'est. Visiblement, Philadelphie n'aurait pas cet argent à pouvoir lui mettre. Ouais. Donc. Mais avec un contrat de Joel Embiid à 55 millions la saison, un contrat de Paul George à 51 millions la saison, ça fait beaucoup sur deux têtes. Et un Tyrese Maxey bah, 51 millions là, c'est ça. qui a 37 la saison prochaine, et que tout ça va aller Et en surtout, augmentant, oui, ça laisse peu de marge de manœuvre, si quoi. tu veux, c'est quand je suis le GM et je vois que l'équipe finalement elle marche pas trop mal sans E2, c'est-à-dire sans quasiment 100 Sans. millions. Tu te dis, mais. Enfin bref. Mince, j'aurais peut-être pas dû dépenser comme ça. Eh ouais, eh ouais. Bon, allez, on a beaucoup parlé de cette trade deadline. Donc, toi, tu penses move ou pas move de Léon? Sans forcément le nom. Enfin, vas-y. Toi, tu partirais Oui, sur Rui Hachimura? Ça va se faire? non, je Ça pense, va pas se faire? non, je pense pas, Rui Hachimura. Pas de move? Si, un petit move d'ajustement, mais pas un truc dingo. Pas un truc Pas un dingo. truc dingo. Non. Mitch, d'ici la deadline, il est toujours au Knicks ou pas? Oui. Ok. Jericho Sims? Non. Eh bien, écoute, je suis d'accord avec toi. Un petit move, pas dingo. Torrey Craig, ça me va. Jericho Sims y part. Bah ouais, histoire de libérer un peu de place, peut-être, pour un second tour, une bricole. Et puis voilà, on va chercher un Torrey Craig ou un joueur à pas cher qui vient compléter le banc sur les ailes. Et voilà, et on roule jusqu'en finale en mois de juin. Allez, c'est tout le mal que je nous souhaite. Bon, allez, on va parler un petit peu des matchs. On a vu passer un peu le classement. Cette semaine, il y a 3 matchs. La trade deadline, ça sera dans la soirée de jeudi à vendredi, jusqu'à 21h heure française. Donc ça laissera le temps de guetter tout ça. Bien sûr, mettez vos notifications actives parce qu'il peut se passer tout et n'importe quoi. Personne n'est intradable, sauf Jalen Brunson. Et puis Karl Anthony Towns. mais voilà, tenez-vous à l'affût. D'ici là, on va avoir 3 matchs, 2 à domicile et 1 à l'extérieur, une équipe de la conférence Ouest et 2 équipes de la conférence Est et même de notre division, et pas n'importe quel match. Il y en a un qui va nous faire saliver, ça c'est certain. Mais on va commencer cette semaine avec la réception des Houston Rockets qui sont très bien classés, qui avaient battu les Knicks à Houston. On a eu un problème à Houston, c'est cas de le dire. Et ils arrivent pas plus tard que ce soir, dans la nuit donc de lundi à mardi, pour commencer la semaine. Et puis derrière, eh ben ouais, back to back, on se déplace où ça? Au Canada, à Toronto. Il ne doit pas faire Mais chaud là-bas en ce moment. face au Toronto Raptors de RJ Barrett qui a plutôt bien réussi cette nuit. Ils ont battu, je crois, les Clippers, si je dis pas de bêtises. Mm-hmm. Ça, tu vas nous redétailler un petit peu leur programme, qui sont sur 8 victoires, 2 défaites sur leurs 10 derniers matchs. Donc attention à ces dinos, ils sont plutôt affamés. Et puis pour finir la semaine, la grosse affiche, c'est peut-être celle que l'on va pas louper, on va en parler tout à l'heure. Mais c'est le test numéro 2 face au Boston Celtics, réception des Celtics au Madison Square Garden, le vrai Garden, dans la nuit de samedi à dimanche. Non, c'est pas l'affiche que nous verrons sur la KNF Viewing Party, c'est l'affiche d'après. L'affiche d'après, nous verrons le 23 février, ça sera le deuxième, l'acte 3 de cette confrontation Knicks-Celtics. Là, c'est l'acte 2 cette semaine, et ça sera l'occasion de voir si les Knicks sont un peu plus prêts à affronter ces Celtics, à les défier, les champions en titre, qui sont pas si loin que ça des Knicks au classement dans la conférence Est. On l'a vu tout à l'heure, le bilan des deux équipes se tient à 2 matchs d'écart, 35-15 pour les Boston Celtics, 32-17 pour les Knicks. Ça va être un duel assurément à ne pas manquer dans cette semaine. Seb, vas-y, parle-nous de les forces en présence, les blessés, les calendriers de ces trois équipes. Ben, c'est trois... On sache un peu plus. Ben, c'est trois équipes déjà. Ben, on a Houston qui sont troisième de leur conférence actuellement avec un bilan à 32-16. Décimé par les blessures. Okay. Contre nous, il n'y aura visiblement pas le Perrin Şengün. Il n'y aura pas Jabari Smith et il n'y aura pas Fred VanVleet. Donc, trois joueurs hyper importants de leur collectif. Alors Jabari Smith, ça fait un moment qu'il est blessé, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça fait un moment qu'il est blessé. Et VanVleet, là, ici, là, je crois que c'est récent. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont sur deux défaites consécutives contre Memphis et contre Brooklyn. Ils ont perdu contre Brooklyn, tu vois. Ça arrive, hein, y a des gens qui... Voilà. Avant ça, ils étaient sur quatre victoires d'affilée. Mais ça, c'était avant. Tu vois, ils avaient gagné deux fois à Cleveland. Ils avaient gagné Boston, ils avaient gagné Atlanta. Mais après, derrière, un peu de blessure. Et là, deux défaites consécutives. Une de 1 point contre Memphis. Et une de 12 points contre Brooklyn. Donc, attention quand même. Hein, ils ont toujours quand même du bon joueur. Hein, la personne de c'est Jalen Green. Voilà. Donc, et puis, ils ont aussi Ozar Amen. Ozar Thompson, je crois que c'est. Ah, alors c'est des jumeaux, donc forcément. Amen Thompson. Ozar, c'est celui de Détroit, donc c'est Amen Thompson. Très bon, hein, très belle progression pour le sophomore. Donc attention, hein, bah, c'est pas une équipe à prendre à la légère, on l'a bien vu. Hein, contre les Lakers, ils n'avaient pas Anthony Davis, on a perdu. Donc on a perdu, je rappelle, contre Orlando. Qui n'avait pas Banquero, qui n'avait pas comment il s'appelait le frère Wagner, les frères Wagner, les deux frères Wagner. Donc c'est pas gagné. Voilà, tout simplement c'est pas gagné. Ensuite Toronto, Toronto actuellement ils sont au niveau de la conférence. Ils sont remontés, ils sont à 12e à l'est avec un bilan de 16-33. Ça va mieux pour Toronto, ça va clairement mieux. Actuellement, comme tu l'as dit, là, ils ont battu les Clippers cette nuit, ils avaient perdu contre Chicago, mais avant ça, ils avaient fait une série de 5 victoires consécutives. Dans laquelle Scotty Barnes avait été élu joueur de la semaine à l'Est. Très bon, Scotty Barnes. Ils ont battu, durant le mois de janvier, ils ont battu Boston. Ils ont battu Golden State. Attention, tu vois, ils ont battu les Clippers. Donc, attention, nous, on aura, comme tu as dit, on aura un match. En back-to-back, eux, c'est leur prochain match. Donc, ils seront frais. Ils seront frais, ils seront à la maison. Ils seront frais. Alors, on a un Quickly qui est visiblement en day-to-day. Donc, pas certain qu'il joue contre nous. Davion Mitchell aussi est en day-to-day. Donc, voilà, potentiellement, ce sera la même équipe que récemment. C'est-à-dire avec du Scotty Barnes, du Poulter, du RJ Barrett. Du Gradedic, voilà. Et enfin, Boston. Alors, Boston, il y a les résultats, mais il n'y a pas la manière. Bon, comme on a dit, actuellement, Boston, ils sont deuxième de la conférence Est avec un bilan de 35 15. Ils sont sur 3 victoires consécutives. Tout va bien pour eux. Actuellement, ils ont que Peyton Pritchard qui est dans la liste des blessés, mais qui est en day-to-day. Donc, après, je ne sais pas s'il sera de la partie contre nous. Là, cette nuit, ils ont le résultat 118-110 n'est pas représentatif vraiment du match parce que la décision s'est faite dans le quatrième quart où là, ils ont été incroyables. Ils leur ont passé un 38-16 ou un 38-18. Enfin, ils ont été extrêmement forts alors qu'ils ont compté jusqu'à 26 points de retard. Gros comeback, ouais. C'est peut-être un des plus gros comebacks de cette récente saison, quoi. Donc, monstrueux. J'ai vu la fin pareil contre la Nouvelle-Orléans avec le quasiment buzzer beater de Jason Tatum. Sur McCollum, ouais. Voilà, alors ils ont éclaté Chicago, mais ils ont perdu contre Houston. Ils ont. C'est pas. Disons que. C'est pas le champion dominant Ils comme peuvent ils ont être. pu dominer les saisons dernières. Ils peuvent être prenables, mais c'est Boston. C'est Boston. Et Ah, ça sera à New York, mais c'est Boston. Mais c'est Boston. Et Boston a du C'est les talent. champions, mais on l'est pas. Mais ils ont du talent de partout. Ils ont une profonde, peut-être une meilleure profondeur. Enfin bref. Donc, avant nous, ils vont jouer Cleveland. Hey. Ils vont jouer Dallas. Et Alors, ils vont. lesquels Dallas? Et New York. Voilà. Donc, pour eux Grosse aussi. semaine pour eux, quand même. Pour eux aussi, grosse semaine. Mais ouais, c'est un peu. C'est un peu. Cette semaine est dure hein, pour nous. Hein. Cette semaine est une. Ah. Est une grosse semaine pour nous parce que on pourrait se dire Toronto, mais on les joue en back-to-back et dans des Toronto et dans des Raptors Toronto, fringants tant qu'ils sont en forme. et dans des Raptors fringants. Grosse semaine, hein. Elle est pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout cadeau celle-là. C'est C'est sûr. surtout après une Mais on a mauvaise eu un défaite contre les calendrier. surtout après Ouais. une mauvaise défaite contre les Clippers et avec Et les Curses. et Et les avec Curses. pardon avec les Clippers et avec un OG blessé. Allez, les deux questions pour finir cette émission. Le match le plus attendu de la semaine. Boston. Bah oui, Boston, forcément. On a envie de se tester face au gros de cette conférence Est. On avait vraiment eu un mauvais souvenir de cet opening Oh, night. c'était éclaté. Là, forcément, on a envie de voir à quel niveau positionner les Knicks dans cette conférence par rapport à des contenders, par rapport aux champions. On va sûrement pas le manquer ce match. En plus, ça tombe le week-end, c'est parfait, on peut dormir après. Donc, parfait. Bon, honneur à toi, tu as gagné le pronostic la semaine dernière. Tu avais un 2-1, j'étais plutôt pessimiste, t'étais plutôt optimiste et ça t'a plutôt souri, même si on était un petit peu. On s'est un peu trompé vis-à-vis du match face aux Lakers. Cette semaine, qu'est-ce que tu nous vois? Une, deux, trois victoires, une, deux, trois défaites? Est-ce qu'elle sera plus positive que négative cette semaine? Elle sera négative, elle sera un 1-2. Aïe, aïe, aïe. 1-2, donc Allez, une victoire et deux défaites. on arrive à rebondir contre Houston. Même si franchement, c'est un 1-2 qui frôle le 0-3. Hein, parce que Ah oui. cette blessure de OG m'inquiète énormément. Même si il manque beaucoup de gens à Houston. Mais je pense que Houston était peut-être plus sûr de leur collectif que le nôtre. Et a une meilleure peut-être. À une meilleure profondeur que le nôtre, tu vois. Enfin, ils ont du Dylan Brooks encore, ils ont du Steven Adams, comme tu as dit, hein, ils ont du Jalen Green, enfin voilà, ils ont du Cam Whitmore encore qui sort, Amen Thompson, à voir ce qu'ils vont faire Ils ont un bon coach. du Ils ont un petit bon Rich coach. Shepard, à voir ce qu'ils vont faire de lui, ils ont Jock Landale qui est pas mauvais, c'est un bon gars. Donc, non, je dis 1-2 parce que j'ai envie d'avoir Victoire quand même. un peu de positif. Euh, Ouais. donc je vais dire la victoire contre Houston, mais j'y crois qu'à moitié, honnêtement. Et la défaite en back-to-back contre Toronto, je crois qu'elle est quasiment actée. Et je ne vois pas avoir les armes contre les Boston Celtics. Donc, Mince. je dis 1-2. Et limite 0-3 quoi. Ça, ouais. Voilà, ce que j'ai dit. Allez, 1-2, mais tu sais, dit comme ça, quoi. 1-2. Ouais. Ok, semaine compliquée que tu nous annonces là. Bah écoute, je suis pas très très confiant non plus. Pourquoi? Bah parce que voilà, avec OG Anunoby qui est blessé, et on l'a dit, il est peut-être questionable, mais il y a de fortes chances qu'il ne joue pas. Il serait peut-être une de meilleures idées de le reposer. Mais du coup, forcément, au moment où on veut faire ce test face aux Boston Celtics, si on n'est pas au complet, Oui, Mitchell Robinson ne sera pas là, mais on parle des joueurs qui ont fait déjà toute la moitié de la saison. Ça aurait été bon d'avoir notre paire de wingstoppers, là, Mikal et Oji, pour voir ce que ça donnait face à Tatum et Jaylen Brown. Bah ouais, il risque de manquer un des deux dans cette histoire, donc ça c'est embêtant, à moins que vraiment c'était une petite entorse de rien, mais non, les images, elles sont pas du style, la cheville a tourné, ça a rien fait. Non, donc moi ça, je suis plutôt inquiet vis-à-vis de la situation de OG Anunoby, la communication d'Enix est plutôt rassurante, ou plutôt, pas d'inquiétude, circuler, il n'y a rien à voir, ouais, je suis pas sûr que ça soit aussi ça, donc bref. Tout ça pour dire, oui, les Rockets, ils nous ont tapé. L'autre fois, j'étais pas confiant vis-à-vis du troisième de la conférence Ouest. Là, c'est de nouveau les troisièmes de la conférence Ouest qui se présentent, mais c'est plus la même équipe. Van Vliet qui est pas là. Van Vliet, c'est un peu une sorte de Jalen Brunson, un petit meneur trapu qui sait aller scorer. C'est bien de ne pas l'avoir en face, mais voilà, on avait eu des difficultés face à cette équipe qui est plutôt athlétique. Il va leur manquer des joueurs, Alperen Şengün pas là. Est-ce que Karl Anthony Towns va pouvoir se remettre un peu dans le bon sens et profiter de l'absence de Şengün, pouvoir mieux rayonner dans la raquette, à voir. Face aux Raptors, bah ouais, les Raptors sont en forme, les Raptors on les a battus sur toutes les confrontations jusqu'à présent, donc est-ce qu'on va les battre une nouvelle fois? Et Boston, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on sera au complet? Moi cette semaine, je verrai une victoire aussi. Oh! Voilà, je vais te suivre, mais je vais pas voir la même que toi. Je vais pas voir contre Boston, moi je vais voir contre Houston, pardon. Je vais faire une victoire à l'extérieur face aux Raptors. Ah ouais, c'est surprenant que ça pourrait pareil. Ah ouais. Voilà, on va peut-être être encore un peu poussif. J'espère me tromper et que finalement ça sera une victoire contre les Rockets. Mais les Rockets, mauvais souvenir du match contre chez eux. Dernier back-to-back, alors vous y étiez, hein, c'était contre les Nets et on tout le à fait. Et on le prend. On le prend aussi un peu tiré par les cheveux, mais on le prend. Donc voilà, moi je verrais une défaite contre Houston, une victoire face aux Raptors. Bah ouais, pourquoi pas. Et par contre, contre Boston, j'aimerais me tromper, mais je pense que ouais, Boston, ils vont encore cocher cette case-là, cette confrontation-là sur leur calendrier. Ils vont vouloir s'imposer chez les Knicks. Et nous, si on n'a pas OG, ça va être compliqué. Il faudrait un GB de feu, il faudrait un 4 rayonnant. C'est pas impossible, mais ouais, non. Je pense que la victoire face aux Celtics, ça sera sur la viewing party le 23 février prochain. Et on aura retrouvé OG à ce moment-là, qui aura plus de problèmes à la cheville. Et nos All-Stars auront pu profiter. Et les autres joueurs de la rotation auront été reposés. On aura eu notre renfort de la trade deadline. Ça sera pour l'acte 3, la victoire. Donc du coup, tu dis combien? Tu dis 2? Une victoire, deux défaites. Une victoire à Toronto et deux défaites contre les deux grosses équipes de la semaine. J'espère me tromper, je me suis trompé la dernière fois, mais pas dans le bon sens. Bon, bah, on verra, hein. Nos pronostics sont pas toujours gages de gagner après, de l'argent. Après, cette équipe des Knicks est surprenante, hein. C'est-à-dire que ouais. Des fois, on les entend pas et ils font un truc, et là où on se dit, bon, allez, c'est du tout cuit, et là, ça passe au travers. Donc, de toute façon, comme depuis... On pensait pas gagner contre Denver, on pensait pas gagner contre Memphis. Bah, depuis le début de la saison, je dis que j'arrive pas à la cerner cette équipe. J'arrive pas. Au final, on va gagner contre qui? Contre les Rockets et les Celtics, et on va pas contre les Raptors. Et là, en fait, blowout contre les Celtics. ça peut. Mais bon, il manque OG. Ça, tout même, est possible. Dans quand cette... même, OG, c'est quand même un régulateur là-dedans, même si des fois on se dit. Mais il fait beaucoup de petites choses qui passent un peu inaperçues, mais qui à la longue usent les défenses. Et le plus l'avoir, ça va manquer. Après, Schuss, de se montrer encore plus précieux. Et on verra ce que. On peut pas non plus demander à Precious de faire du Anunoby. Hein. C'est pour ça qu'il n'est pas payé pareil. C'est pour ça qu'il n'a pas le même rôle. Hein. Donc... Ouais. On verra. Allez, ce qu'on verra et de quoi on va pouvoir parler, ça va être aussi demain. Rendez-vous, vous le savez, notre rendez-vous hebdomadaire du lundi, c'est sur KNF TV, c'est sur YouTube et le lendemain sur les plateformes de streaming audio. Le mardi soir, c'est où? C'est sur Space, c'est sur les Space X, Twitter, qu'on discute d'Enix, qu'on fait des quiz, qu'on parle de l'actualité, qu'on venez parle donner votre avis. Et tout. Venez, on parlera peut-être de Luka Doncic. Bah ouais, peut-être encore, parce que de toute façon, toute la planète NBA en parle et ça a fait réagir. Mais voilà, demain, on se concentrera un peu plus sur les Knicks ensemble. Knicks Together, c'est notre rendez-vous du mardi. Voilà, ça va être le clap de fin de cette 112e émission à Venix Week sur KNF TV. La semaine prochaine, on redonne rendez-vous lundi, même endroit, même heure, pour la 113. Est-ce qu'il y aura Rimka du 113? Est-ce qu'il y aura Mokobe? Est-ce qu'il y aura AP? Vous verrez tout ça. DJ Mehdi, malheureusement, Rest in Peace, sera pas avec nous. Mais voilà, on verra à quelle sauce on parlera d'Enix la semaine prochaine. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien à Venix Week. C'est ce qu'on peut vous dire. voisin du dessous, bonne semaine. Les t-shirts arrivent, je vous l'ai pas dit, mais les t-shirts arrivent. Moi j'ai mis le mien, bah ouais, forcément il est arrivé chez moi. Et les vôtres devraient plus tarder non plus. Les t-shirts sont là pour la belle saison KNF. Et on remercie Laetitia qui nous a permis de réaliser ce nouveau. Une graphiste de grand talent. Voilà, voilà. Je dis ça et je pense que tu veux pas avoir de problème dans ton couple, je peux comprendre. Allez, on vous embrasse toutes et tous. On vous souhaite une très très bonne semaine. Et let's go Knicks. Allez, ciao ciao.